Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'arrêt d'Argus Sport. Il est 20h31. Très heureux de vous retrouver sur Radio Arc-en-Ciel. Si vous nous rejoignez, eh bien, on est ensemble jusqu'à 22h30 pour le débrief de la semaine sportive avec beaucoup de choses encore ce soir. Tout de suite le sommaire, bien sûr, de l'émission. On aura dans quelques instants, on reviendra sur la dernière étape de la Coupe du Monde de biathlon qui s'est déroulée hier, cette dernière course à Oslo, avec un scénario cruel pour l'équipe de France et Lou Jean Monod qui, d'Arien, a échoué dans sa quête du gros globe du cristal. On y reviendra dans un instant avec un scénario très incroyable sur ce dernier rendez-vous de la saison. On aura aussi du handball avec Saran qui s'impose pour la reprise après la trêve, qui continue sa remontée au classement. On aura du basket aussi avec l'OLB vainqueur aussi, dans un scénario aussi assez fou, après deux prolongations vainqueur, et ça permet à l'OLB de rester en haut du classement. On va y revenir dans un instant. L'actualité aussi basket européenne avec les différentes coupes, la NBA, on fera un point, c'est bientôt la fin de la saison régulière, on fera un petit point sur où est-ce qu'on en est de cette saison régulière, il reste quelques rencontres encore. Et puis on aura bien sûr aussi le tennis avec Miami cette semaine, on suivra un petit peu l'avancée de ce tournoi, et puis on aura du rugby aussi avec le top 14 et en quelques semaines aussi la suite des Coupes d'Europe. Et puis du foot, bien entendu, avec la Ligue des Nations, les quarts de finale. On reviendra sur la qualification de l'équipe de France hier pour les demi-finales, dans un scénario aussi incroyable. Il y a eu des scénarios très, très différents dans ce week-end, mais ça a été quand même assez chargé en émotion. Et on reviendra sur cette qualification de l'équipe de France pour les demi-finales après une séance de tir au but face à la Croatie. Et puis des directs ce soir, justement, football. Avec alors un direct qui vient de se terminer qui concerne l'équipe de France Espoir qui s'est imposée face à la Slovaquie 4-0 il y a quelques secondes, le coup de sifflet final, et donc la France avait déjà remporté son match précédent, on en reviendra aussi, match amical pour les Bleus qui s'était imposé assez largement face à l'Angleterre 5-3, c'était vendredi, et donc ils ont remis ça ce soir avec une victoire 4-0 cette fois. D'autres rendez-vous ce soir, donc on aura la suite d'ailleurs des qualifications au Mondial pour les nations qui sont concernées, bien sûr. Alors les nations étaient à part, bien entendu, mais on a des qualifications qui vont se dérouler ce soir. La suite de ces qualifications pour plusieurs nations, notamment la Pologne qui affronte Malte dans 10 minutes, début de cette rencontre. Entre la Pologne qui est pour l'instant deuxième de ce classement, le groupe G, et puis le Malte qui est dernière. Et puis un petit peu plus tôt, c'est la rencontre entre la Lituanie et la Finlande qui s'est soldée par un match nul de partout. Voilà, on fera aussi un petit point sur ces groupes. Et puis il y a d'autres rencontres qui auront lieu aussi à 20h45, comme Angleterre-Lettonie. C'est le match de haut tableau de ce groupe K. Entre l'Angleterre et l'Lettonie, et bien pour l'instant c'est l'Angleterre qui est en tête. Voilà, c'est très serré hein, dans ce classement du groupe K puisque les qualifications ont démarré depuis peu. Donc entre les deux vainqueurs des premiers matchs, ce sera 20h45 cette rencontre. Du côté de des qualifs pour le Mondial. Voilà donc les rencontres que l'on suivra en fil rouge ce soir. Il y a d'autres matchs encore, hein, bien sûr, on les évoquera. On a aussi la qualification en zone Afrique pour la Côte d'Ivoire qui affronte la Gambie 1-0 pour le moment. Le Ghana aussi mène 1-0 face à Madagascar dans un autre groupe. Et puis voilà d'autres rencontres aussi de cette zone Afrique qui seront déroulées aujourd'hui. Donc voilà, on avance un petit peu dans les qualifs, hein, même si c'est que dans un an et demi. Mais il faut avancer, il y a beaucoup de matchs. Donc évidemment, on attaque très tôt. Voilà le programme de ce soir, puis on terminera avec la Ligue 1. Comme d'habitude, on aura le programme de cette journée qui va reprendre, avec bien sûr également les pronostics, comme d'habitude, en fin d'émission. Et puis Hugo qui nous rejoindra bien sûr ce soir exceptionnellement à 21h15 pour le foot, puisqu'on a une actualité sport, foot un petit peu moins importante puisqu'il y avait cette Ligue des Nations. Donc 21h15, 22h30 et puis jusqu'à 21h15 bien sûr le flash résultat de tout ce qui s'est passé, hein, je l'ai dit, en tennis, en basket, en rugby, en biathlon ou handball. Donc voilà, tout ça, ce sera jusqu'à 21h15 où on le retrouvera Hugo. Un premier titre donc, et on va revenir donc dans un instant pour eh bien cette première partie, donc avec plein de choses encore. Et puis donc après, bien entendu, l'équipe de France et toute la Ligue des Nations dans la deuxième partie. Allez, une première pause et on se retrouve donc juste après pour lancer notre programme, notre émission. Et pour démarrer, on écoute ce titre de Sound of Legends, Some Kind of Kiss. À tout de suite sur Arc-en-Ciel. Sound of Legend à l'instant, Some Kind of Kiss pour ce premier titre de la soirée. On va démarrer désormais le programme avec donc pour lancer cette émission. Eh bien, le scénario incroyable hein, du week-end en biathlon, c'était la dernière étape de la saison à Oslo, avec beaucoup de choses hein, sur cette dernière étape. Les adieux des frères Bœ qui ont clôturé leur carrière sur cette ultime étape à la maison. Et puis on avait des suspens bien sûr partout. Alors chez les hommes, c'était un petit peu, il y avait moins de suspens puisque Solan Regred, le Norvégien, était quand même bien en avance par rapport à Jonas Bø qui pouvait encore prétendre au titre, mais c'est surtout chez les femmes. Il y avait beaucoup d'enjeux entre Lou Jean Monod et bien entendu Francesca Preuss, l'Allemande, qui voilà, se sont battues toute la saison pour ce gros globe de cristal. Et elles sont arrivées donc au début de cette épreuve, cette étape, avec 15 points d'écart, un écart qui s'est creusé lors du sprint, puisque c'est l'Allemande pour 2/10, hein, rendez-vous compte, devant la Française, qui avait récupéré à ce moment-là 20 points, 35 points à l'issue de ce sprint d'avance. Et puis ça s'est inversé ensuite sur la poursuite que la Française a remportée avec un 19/20, alors que l'Allemande avait fait 5e. Donc à ce moment-là, 5 points d'avance pour la Française à l'entame de la dernière étape, la mass start, la dernière mass start de la saison, la dernière course, avec un scénario incroyable, puisque les Français les biathlètes se sont rendus coup pour coup, hein. D'abord, l'Allemande était devant avec une faute pour la Française. Ensuite, c'était l'Allemande qui craquait dans le premier debout. Et puis, on est arrivé au dernier tir, le dernier debout qui pouvait peut-être les départager. Elles sont sorties ensemble encore. Et puis, dans le dernier tour, alors, on s'est dit que ça allait vraiment se jouer jusqu'au bout du bout, cette épreuve et ce gros globe, hein, tout se jouait sur un tour. toute la saison. Et malheureusement, la Française qui a chuté dans l'avant-dernier virage de cette course et qui n'a pas pu revenir sur l'Allemande. Alors, après coup, on a supposé une réclamation de l'équipe de France. Il n'en a rien été puisque finalement, la Française est bien tombée toute seule après que l'Allemande lui a un petit peu fermé la porte, mais pas d'erreur de l'Allemande qui a pu savourer pas tout de suite mais plus tard son titre, parce qu'elle était un petit peu évidemment déçue du scénario, elle qui voulait vraiment les deux s'affronter jusqu'au bout, jusqu'au sprint final. On l'attendait, ce sprint final, évidemment, pour voir si la Française pouvait rivaliser, et malheureusement ça n'a pas eu lieu et c'est l'Allemande donc qui s'impose sur la mass start et sur la saison. Elle remporte également le petit globe de la spécialité de la mass start devant Elvira Berg qui a terminé finalement deuxième. Et puis derrière, on a un triplé français, donc Lou Jeanmonod, malheureusement troisième seulement. Océane Michelon et Paula Beauté. Océane Michelon qui prend aussi, elle, le petit globe des moins de 23 ans, des jeunes, à la faveur de cette quatrième place. Voilà, donc scénario vraiment à la fois incroyable, le dénouement qui s'est vraiment joué sur le dernier tour de cette épreuve, et puis cruel pour la Française hein, qui malheureusement n'a pas pu défendre ses chances jusqu'au bout de ce dernier tour. Chez les hommes, il y a moins de suspense, je vous le disais, c'est Johannes Bö qui a remporté le sprint, Stora Regred qui avait donc terminé deuxième. Ensuite, c'est alors d'ailleurs sur ce sprint où la Norvège a fait un carton plein, les cinq premiers étaient des Norvégiens. La poursuite, c'est l'arrière, c'est Stora Regred qui a dominé Johannes Bø, autour de trois erreurs. Hein. Le Norvégien qui termine malgré tout deuxième avec 15 secondes seulement de retard sur la Regred qui avait lui fait un sans faute. Donc vraiment grosse perf de Johannes Bø. Et puis Quentin Fillon-Maillet qui a pris la troisième place à la faveur d'un 19/20. Et après cette victoire de Stora Regred, le titre était joué. Donc la dernière épreuve, la mass start, n'avait peu d'incidence, si ce n'est de fêter le départ des deux frères Bø qui clôturaient leur carrière là-dessus. Johannes Bø finit septième avec seulement un 16/20. Voilà, l'essentiel était ailleurs, évidemment. C'est Samuelsson qui s'est imposé, le Suédois. Eric Pierrot prend une belle deuxième place, seulement 6 secondes. Et puis Strandsheim, le Norvégien, troisième. La Grette, quatrième. Et Quentin Fillon-Maillet, cinquième. Pour Tarjei Bø, c'est assez loin. 23e, seulement une erreur, mais voilà, 3 minutes de retard, évidemment. Il était là juste pour profiter, plutôt que d'aller chercher un résultat sur cette épreuve. Lui qui revenait de maladie, en plus, il n'avait pas pu participer aux courses de début de semaine. Et il a fait l'effort de s'aligner sur le Lama Start, à évidemment profiter une dernière fois, un dernier tour d'honneur pour les deux Norvégiens qui ont été évidemment dignement fêté ensuite, un hommage leur a été rendu à la maison. Ils ne pouvaient pas rêver mieux pour clôturer leur carrière. Et voilà, ils referment cette page avec évidemment beaucoup de titres, beaucoup de records. Hein. C'est d'abord le Tarjei Bø qui avait démarré sa carrière en 2011 où il avait remporté un gros globe d'ailleurs. Et puis bien sûr Martin Fourcade qui était aussi présent à Oslo pour fêter ses deux anciens rivaux. Avec un Johannes Bø hein, quand même qui aura écrasé les six dernières saisons, il n'a pas pu remporter celle-ci. Il n'était pas très loin, mais 91 victoires en Coupe du Monde, hein, évidemment, c'est pas un record puisque c'est toujours Björn Dahlen qui a ce record, mais quand même incroyable. 5 globes, 23 titres mondiaux et 5 Jeux Olympiques, 100 titres olympiques. Voilà, vraiment la carrière incroyable de Johannes Bø, qui aura été fou. Et puis malheureusement, on le verra plus. On ne verra pas au JO l'année prochaine. Il a décidé de s'arrêter là. Tout comme Tarjei Bø qui lui était un petit peu plus âgé, donc un peu plus logique, mais malheureusement, ces deux-là qui vont nous manquer sur les prochaines étapes, les prochaines épreuves, les prochaines Coupes du Monde. Et ça va laisser peut-être un peu plus de place aux Français. On le verra en tout cas la saison prochaine, une saison qui reprendra, je vous le rappelle, à partir de fin novembre. Donc on rattaquera une nouvelle saison avec beaucoup de, on l'espère, de victoire encore. Une saison française, en tout cas, incroyable, hein, puisqu'il y a eu énormément de victoires, énormément de podiums, beaucoup de titres mondiaux aussi, plein de petits clubs remportés. Malheureusement, il en manquait un gros pour Lou Jeanmonod. Mais une saison vraiment folle pour les Françaises et les Français, avec les titres aussi de meilleures nations de la saison, hommes et femmes, et puis les relais également. Voilà, ça a été une saison vraiment presque parfaite pour cette équipe de France. On aura l'occasion de les revoir évidemment très bientôt dans une nouvelle saison de biathlon. C'était également la fin de la saison de ski alpin où là il n'y avait plus d'enjeux, hein, évidemment. Tout était joué avec encore deux épreuves à jouer, même s'il n'y aura pas d'incidence encore à partir de mercredi et jeudi, les derniers slaloms, le dernier géant pour clôturer donc cette saison là aussi de ski alpin. Et puis c'est la même chose pour les femmes où là aussi le titre est déjà joué depuis un petit moment. Voilà, fin de ces saisons donc de ski. On était ravis de les avoir suivis. Beaucoup de victoires françaises à nouveau. Un mot, tiens, avant de poursuivre, de tennis de table, puisqu'avaient lieu les championnats de France ce week-end avec les frères Lebras, évidemment, encore vainqueurs du double, comme c'est le cas depuis quelques années. Et puis en simple, ça s'est inversé. C'est Félix Lebrun qui s'est imposé cette fois-ci face à son frère Alexis Lebrun, qui avait remporté les trois dernières éditions face à son petit frère. Cette fois, c'est le plus petit cadet qui s'est imposé, avec là aussi un scénario assez incroyable, hein. C'est d'abord Alexis qui a été mené 2-0. Il est revenu, il a mené 3-2. Il a eu une balle de match dans la sixième manche, pardon. Alors qu'ensuite Félix est revenu et puis s'est imposé dans le set décisif, dans le septième set. Beaucoup d'intensité et Félix titré enfin pour cette saison, ces éditions de championnat de France. En tout cas, il était ravi cette fois-ci d'avoir pu remporter et battre son frère. Voilà pour la petite parenthèse tennis de blind, donc les victoires de Félix Lebrun et des frères Lebrun en double sur les championnats de France du week-end. On continue avec du handball, donc c'était la reprise, hein, pour Sarah en Pro League. Il y avait eu, on rappelle, la trêve internationale. C'était la reprise avec donc Sarah, qui on les attendait, hein, avec une série, c'était pour qui s'était achevé. On espérait relancer quelque chose, une nouvelle série. Et c'est peut-être le début d'une nouvelle série, avec une victoire face à Massy, 30-26. Je rappelle que la dernière rencontre, c'était face à Caen, une défaite, hein. Ensuite, il n'y avait pas eu de match pour Saran sur le début du mois, puisque on rappelle que c'est un groupe, un classement avec un nombre impair, hein. Donc évidemment, il y a un exemple, hein, à chaque journée. C'est un groupe de 15 et donc on les retrouvait après une longue trêve du coup pour eux, les Saranais. Donc victoire face à Massy 30-26 et ça permet de rester accroché à ce podium, troisième toujours, avec 3 points de retard sur Dijon et 6 sur Frontignan qui est en tête, mais un match en moins, hein, donc pour Saran. Donc voilà, ça c'est pas un classement qui est tout à fait juste, mais en tout cas le constat est là, troisième toujours. Et voilà, ça suffira pour aller se qualifier pour les playoffs. Mais évidemment, on espère les deux premières places pour aller chercher directement les demi-finales. On rappelle qu'il n'y aura pas de qualifié direct, il n'y aura pas de montée directe. Il faudra vraiment passer par des playoffs pour tout le monde. Donc évidemment, il y aura de l'enjeu pour Saran qui va tenter de poursuivre ce début de série avec un match. Ce sera ce week-end à l'extérieur, ce sera à Valence et ce sera vendredi à 20h30. Voilà pour Saran, pour essayer d'enchaîner un nouveau succès donc face à Valence qui est 11e, hein, donc qui joue plutôt le maintien. Donc et voilà, ce serait bien d'enchaîner une nouvelle victoire sur ce week-end. Pour la Pro League. Et puis en Star League, eh bien Paris qui continue, toujours une nouvelle victoire face à Ivry, 41-28, le gros score. Et puis Nantes reste accroché derrière avec une victoire de son côté face à Dunkerque, donc toujours un point de retard entre Paris et Nantes, hein. Ça va se jouer jusqu'au bout probablement cette saison. Et donc 21e journée, vendredi, samedi, ça se poursuit. On rappelle Chartres qui est un petit peu moins bien, 12e, qui est encore au-dessus de la zone rouge, mais seulement 3 points devant. Donc attention, il va falloir reprendre des points pour Chartres pour se mettre à l'abri assez vite, qui affrontera Aix-en-Provence à l'extérieur vendredi soir, 8e. Donc serait bien inspiré de s'imposer sur cette rencontre On espère en tout cas. La Ligue des Champions, c'est un mot de Ligue des Champions. Pour rappel, puisque les matchs aller des huitièmes de finale, eh bien, ce sera cette semaine déjà. Paris, rappel, ira défier Zvezda. Ce sera le match aller jeudi. Donc jeudi soir, 18h45. Et puis le match retour, ce sera la semaine prochaine, à nouveau le jeudi à 20h45 à Paris cette fois. Donc pour aller chercher, on espère, les quarts de finale. Et puis Nantes sera aussi concerné par ses huitièmes de finale. Il ira du côté du Wisla Plock, là aussi jeudi 20h45 cette fois. Et puis Nantes recevra au retour, donc jeudi, pas le jeudi, mais le mercredi 2 avril. Voilà, on en reparlera la semaine prochaine. Là aussi, on espère se qualifier pour ces quarts de finale. Donc première manche ce jeudi pour les deux concernés. On espère évidemment qualification pour la suite. Chez les femmes, le match aller des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions, eh bien c'était la semaine dernière. Pour Brest, ça c'est pas passé loin. Petite courte défaite, 27-26 à l'extérieur. Et tout est jouable, hein, tout est jouable du coup. Match retour samedi à 18h à domicile, donc ça va aider les Brestoises, peut-être, on l'espère, pour essayer d'aller se qualifier. Donc samedi à 18h, un but de retard, donc vraiment tout est possible dans cette rencontre pour aller rejoindre, on l'espère, les Messines déjà qualifiées pour l'écart puisqu'elles avaient terminé en tête de leur groupe. Donc rendez-vous samedi pour Brest pour essayer d'aller se qualifier. Donc pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions et aller rejoindre donc les Messines. Voilà pour le handball. On va poursuivre. On passe à du basket. Juste avant le basket, un mot rapidement de cyclisme, puisqu'avait lieu le Milan-San Remo hier, donc avec c'était samedi plutôt, avec la victoire de Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé devant Tadej Pogacar. Voilà, petite sensation, le Slovène qui a été battu une nouvelle fois à Milan-San Remo. Ça lui échappe toujours cette course. Voilà, il a tenté plusieurs fois de s'échapper et puis à chaque fois, voilà, Van Der Poel qui a suivi et qui s'impose donc au sprint devant le Slovène. Donc victoire donc de Mathieu Van Der Poel, le Hollandais, dans ce Milan-San Remo. Et puis il y aura le Tour des Flandres aussi, ce sera ce week-end, pour enchaîner et peut-être un nouveau duel entre les deux. Voilà pour ce petit point cyclisme. Basket donc, basket avec, je le disais en ouverture, en Pro B, l'OLB qui a là aussi un sacré scénario dans sa rencontre du côté de l'Arena de Comet face à l'Alliance Sport Alsace. Vraiment gros match, hein, face à une équipe sixième, hein, qui était plutôt un adversaire direct, hein. Et victoire 94-90 après deux prolongations. Donc vraiment gros scénario dans cette affiche, 94-90, donc victoire d'Orléans. Très importante cette victoire puisque Boulazac de son côté s'est également imposé, là aussi aux prolongations face à Rouen. Donc là aussi un match qui a duré. Et puis, la bonne nouvelle, entre guillemets, pour ces deux-là, c'est que Ploie a chuté à l'extérieur, à Hyères-Toulon, face au 17e. Donc vraiment, mauvais résultat pour Blois, battu de 3 points. Et ce qui fait que Boulazac, Orléans prennent seuls les commandes de cette Pro B. Blois donc chute à la 3e place avec une victoire donc de retard. Et puis, on se trouve un peu plus loin, donc Aix et Rouen, avec... du coup derrière 3 victoires de retard, donc ça bouge un petit peu dans ce classement. Et voilà, Orléans et Boulogne sont pas passés loin, mais c'est passé aux prolongations. Ils s'échappent, donc on rappelle que seul le premier sera qualifié, sera directement muté en Battle League Elite. Et puis ensuite pour les autres, il faudra passer par des playoffs. Donc voilà, l'importance de finir en tête. Pour l'instant, ils y sont côté de Boulazac, mais rien n'est fini. Donc encore pas mal de journées, hein, 3, 6, 9 journées avant la fin de cette saison régulière. Donc il reste pas mal de rencontres et ensuite on attaquera les playoffs, bien entendu. 30e journée vendredi, Orléans ira à Fos-sur-Mer face au 19e. Donc là vraiment défaite interdite évidemment face à un mal classé face à une équipe qui joue le maintien. Donc là, vraiment, défaite pas envisageable du tout. Boulazac ira du côté face affronter l'Alliance Sport Alsace, là où Orléans a beaucoup de mal hein, donc ce week-end. Et puis pour Blois, on peut en parler également. Et bien Blois recevra Évreux. Donc ce sera là aussi vendredi et ce sera face à une équipe d'Évreux qui là aussi est assez mal classée, 18e. Donc et un petit peu voilà les tendances de cette rencontre de 30e journée, donc vendredi. Donc voilà, on espère enchaîner pour Orléans, pour rester accroché hein, le plus en possible en tête, et puis aller chercher pourquoi pas directement la montée sans passer par la case playoff. On espère pour Orléans, ce sera samedi à 20h. Voilà, tous les autres matchs vendredi 20h, mais Orléans aura la faveur de jouer seul samedi, donc à 20h, en fin de semaine, donc avec la pression évidemment des résultats de la veille. Mais on leur fait confiance pour aller chercher cette victoire qui sera très importante. Dans l'élite, bien, pour le haut de tableau, ça bouge un petit peu. Cholet qui a pris les commandes de cette petite élite. On retrouve l'Asvel ensuite, deuxième, Monaco et Paris. Voilà, pour le reste, ça n'a pas bougé. Mais Cholet qui a fait des bons résultats là dernièrement et qui, du coup, en profite pour prendre la tête. On avait le choc entre l'Asvel et Monaco hein, hier. C'est l'Asvel qui a gagné à Monaco. La petite sensation qui a pris, du coup, qui a rejoint Monaco en tête de ce classement. Et puis donc un petit mot également de l'Euroleague, puisqu'on approche tout doucement de la fin de la saison régulière, 4 journées encore. La dernière journée de la semaine passée, eh bien, qui a vu victoire de Monaco, voilà, qui s'est imposée, Paris Basket également. L'Asvel, malheureusement de son côté, a été battu au Real Madrid. Monaco reste 4e, donc toujours bien installé pour se qualifier direct pour les playoffs. Bah, rien n'est joué, hein. Seulement 2 victoires d'avance sur le hors du top 8, donc rien n'est joué. Pour Paris, 7e, c'est tout juste dans le top 8, donc il faut vraiment s'accrocher. Puis pour l'Asvel, 15e, bon, c'est fini depuis un petit peu, mais qui va essayer de finir le mieux possible cette saison. Ce sera la 31e journée, mardi et mercredi. Pour Monaco, réception de Kaunas, 13e, donc victoire aussi importante possible. L'Asvel recevra Olympiakos, et puis Paris ira au Fenerbahçe. C'est une équipe qui est deuxième, donc vraiment un gros match pour Paris à l'extérieur, en plus en Turquie. Donc ce sera mardi, donc demain déjà, demain 18h45. Et puis pour ce qui concerne Monaco, ce sera également demain à 19h et l'Asvel à 20h45. Donc dès demain, pour aller, on l'espère, chercher cette victoire pour Paris, qui pourrait leur permettre de s'approcher un peu plus de cette qualification. Donc pour les la suite, donc les quarts de finale et les playoffs de cette Euroleague. Voilà pour donc la l'Euroleague. Un petit mot rapide, puisqu'on a un petit peu de temps, des autres compétitions européennes pour vous donner un petit peu la tendance en Ligue des Champions, la deuxième compétition où Nanterre notamment est engagée donc dans la suite de cette Ligue des Champions, la deuxième phase. Nanterre pour l'instant deuxième de son groupe, donc bien installé pour essayer d'aller se qualifier, on l'espère. Saint-Quentin est troisième, donc un petit peu décroché, mais tout est encore possible dans un groupe à 4 hein. On a encore quelques rencontres avant d'aller chercher la suite de cette compétition. On ira ensuite en quart de finale donc de cette Ligue des Champions, et on l'espère va y retrouver évidemment nos clubs français donc dans la suite de cette Ligue des Champions. Donc on attend encore, il reste encore quelques rencontres avant que cette Ligue des Champions rende son verdict, puisque encore match de cette semaine sera la dernière journée pour nos clubs français, avec à la clé, on l'espère, eh bien aller chercher une qualification pour les quarts de finale donc de cette Ligue des Champions. Pour les hommes. Et puis en Euroleague, c'est fois chez les femmes. On rappelle que Bourges est engagé dans le quart de finale. Ce sera mercredi 9 avril pour essayer de se qualifier pour les demi-finales. Donc, qui aura lieu ensuite. Ça va s'enchaîner. Hein. C'est tout ce joueur, sur une semaine. Le 9 avril, les quarts. les 2000 le 11 et la finale le 13. Donc on est vraiment sur une semaine qui va tout clôturer. Donc on verra si cette équipe de Bourges peut essayer d'aller se qualifier. On verra ça, on suivra ça bien sûr dans les prochaines semaines. Voilà pour le point complet. Puis on rappelle que Villeneuve-d'Ascq aussi jouera sa finale de l'Eurocoupe. Voilà une équipe française engagée. Donc match aller mercredi. Mercredi. Et puis le match retour, ce sera le 2 avril, donc mercredi prochain. Voilà, donc face à une équipe qui est engagée aussi dans cette compétition, équipe de Ferrol, l'équipe espagnole. Voilà, donc les matchs se joueront cette finale en aller-retour. Voilà pour être complet sur ces coupes d'Europe, bien entendu. Puis un petit mot de NBA. Là aussi, je vous le disais, on approche tranquillement de la fin de la saison régulière. Il reste encore quelques journées, malgré tout, avant d'attaquer les playoffs. Encore un petit mois de compétition, à peine, avec 3 semaines de compétition. Une petite tendance pour l'instant, puisque Cleveland est en tête à l'est, aux côtés donc de Boston. Et puis dans le classement à l'ouest, c'est Oklahoma City qui est largement en tête, hein, qui devrait y rester, hein, jusqu'au bout, qui est vraiment bien installé. Et puis Houston suit ensuite Denver, les Lakers, voilà, donc sont en bonne position pour normalement se qualifier tranquillement pour ces playoffs. Donc on va continuer de suivre la saison cette nuit. Pas mal de rencontres, hein, 8 rencontres au programme. Dès minuit, on aura des rencontres, et puis jusqu'à 3h du matin, où on aura notamment Phoenix Milwaukee qui se déroulera. Voilà pour la NBA, donc encore 3 semaines, et après on attaquera les playoffs, même si on connaît la plupart des qualifiés. Certains peuvent encore espérer y être avec les dernières rencontres, donc dans ces 3 prochaines semaines. Du rugby désormais, c'était la reprise de Top 14 après une grande trêve, hein, suite à au tournoi des 6 nations. Gros match hier qui a clôturé cette journée, c'était Bordeaux-Bègles-Toulouse, hein. Gros scénario, parce que Bordeaux menait largement à la mi-temps, hein, de cette rencontre, puisqu'il menait sur le score sur le score de 29-0, me semble-t-il. En tout cas, une avance très confortable. Et puis ensuite, il s'est passé beaucoup de choses. Et finalement, le Bordeaux s'impose 32-24. Tout ce qui est bien revenu, qui n'a pas réussi à revenir complètement. Et finalement, donc Bordeaux s'impose dans cette fin de rencontre, hein, avec un transformation, notamment de une pénalité de Jalibert dans la fin de match, et donc ça permet à Bordeaux-Bègles de revenir à un point de Toulouse en tête. C'est très serré, hein, 65 points pour Toulouse, 64 pour Bordeaux, qui a repris quand même le bonus défensif. Toulon reste troisième malgré sa victoire face à Perpignan, avec qui est victoire bonifiée. Et ensuite c'est très loin, hein, donc 62 pour Toulon et 48 pour Bayonne. Donc voilà, le top 3 il va se jouer entre ces trois là on pourrait savoir qui se qualifiera directement en demi-finale. Bien sûr, Bayonne, Lyon, Casse pour l'instant qualifié pour les playoffs. Et ensuite Pau, La Rochelle, Clermont, tout ça c'est encore possible. Montpellier aussi, hein, ça c'est encore possible pour se qualifier. Donc Stade Français, ça sera un petit peu plus compliqué. Le Racing également, puis Perpignan et Vannes pour l'instant aux 2 dernières places, pour la descente et puis le barrage. Donc on va poursuivre la saison avec encore 7 journées. 20e journée samedi, dimanche, on aura Castres-Toulon, le match donc de samedi soir, et puis le Racing affrontera Bordeaux-Bègles pour la rencontre de dimanche soir. Voilà, et puis ensuite on va retrouver bien entendu aussi les Coupes d'Europe, où on va attaquer les 8e de finale. Ce sera début avril avec la plupart des clubs français qui seront concernés. On en reparlera bien entendu. Et puis du tennis pour finir avec le tour de Miami, le Masters 1000 de Miami, donc qui se poursuit après un début mercredi. On est en 8e de finale quasiment pour la plupart des joueurs, avec Alexander Zverev qui est qualifié, qui attendra son adversaire. Ce sera ou Arthur Fils, qui lui a pour l'instant s'est hissé jusque là. ou qui affrontera Frances Tiafoe pour une qualification. Donc ce sera c'est en ce moment même, ça va démarrer d'ailleurs dans quelques minutes, et on fera un point aussi avec les directs qui ont démarré pour la plupart aussi. Et puis donc pour Arthur Fils, ça a démarré, ça y est depuis quelques minutes, où pour l'instant pas de break, 3 jeux à 2 pour l'américain et le français qui sert pour essayer de revenir dans le match. Donc on va suivre aussi cette rencontre donc en direct pour se qualifier tout simplement pour les huitièmes de finale du tournoi de Miami. On aura donc ensuite pour les autres huitièmes de finale Thomas Matchak qui affrontera Mensik, les deux tchèques. Ensuite on a Taylor Fritz qualifié qui affrontera un lucky loser, l'Australien Walton. Et ensuite on a une affiche pour l'instant où on n'a pas de qualifié, puisque ce sera ou Alex de Minaur ou João Fonseca, le Brésilien, s'affronteront tout à l'heure, qui affrontera le vainqueur de Matteo Berrettini, l'Italien, face à Zizou Bergs, le Belge. Donc là, la rencontre qui aura lieu juste après, du coup, la rencontre d'Arthur Fils. Donc voilà pour le tour suivant. Gaël Monfils qualifié aussi, hein, qui fait un tournoi incroyable, hein, il a sorti des gros matchs, hein, jusque là. Pour se qualifier, hein, le Français, il a vraiment bataillé, hein, en trois manches lors du premier tour. Ensuite, il a à nouveau joué trois manches au tour suivant, qui s'est qualifié au tie-break de la troisième manche. Il a battu Mounar, l'Espagnol, pardon. Là aussi en trois manches, très serré, 7-5, 5-7, 7-6. Et là, il affrontera, pour une place en quart, Sébastien Corda, l'Américain, donc à gros niveau. La rencontre qui aura lieu dans la nuit prochaine. On aura Novak Djokovic, hein, qualifié pour les huitièmes de finale. Il affrontera Lorenzo Musetti, l'Italien. Grosse rencontre pour le Serbe. Casper Ruud face à Cerundolo. Et enfin, le dernier huitième, Grigor Dimitrov face à Nakashima, l'Américain. Et on rappelle l'élimination précoce. Carlos Alcaraz face à David Goffin, le revenant en Belge en trois manches lors de son premier match, son premier tour en tout cas pour lui. Donc très très surprenant et grosse sensation dans le début du tournoi. Et puis chez les dames, Sabalenka numéro 1 mondial est qualifiée pour les quarts de finale face à Zheng, la chinoise. Paulini est qualifiée, pour le reste on attend peut-être pour la numéro 2 mondiale, la polonaise Świątek, qui affrontera Zitolina. Et puis les autres aussi matchs auront lieu cette nuit pour connaître le tableau des quarts de finale de ce tournoi donc de Miami, bien sûr. Et on espère, voilà, deux Français. En tout cas, Gaël Monfils, c'est sûr, il est en huitième cette nuit. Et Arthur Fils va peut-être le rejoindre ce soir. Donc, face à Frances Tiafoe, 3-3, donc, pour l'instant, dans ce premier set. Donc, on va le suivre, ce match, bien sûr. Et un mot, donc, des matchs en direct. Donc, je vous le disais, on aura pas mal de directs. Donc, Pologne-Malte, c'est pour les qualifications à la Coupe du Monde, 0-0 après 20 minutes de jeu. On a également Angleterre-Lettonie 0-0, là aussi après 23 minutes de jeu. On a la Côte d'Ivoire qui affronte la Gambie en zone Afrique 1-0 à la mi-temps. Et Ghana aussi mène 1-0 face à Madagascar. Voilà pour la plupart des rencontres de foot en direct. Et puis la France Espoir a battu la Slovaquie tout à l'heure, 4-0 en amical. Voilà les résultats de ce soir. Et puis on suivra bien sûr Arthur Fils jusqu'au bout, peut-être, si on peut y aller, si toutefois il s'impose avant ou s'incline avant. Sinon, bien sûr, vous pourrez suivre la fin de cette rencontre. Une pause donc, et on revient juste après pour la deuxième partie avec Hugo qui nous rejoint pour le foot, la Ligue des Nations programme et la Ligue 1. David Guetta, Love is Gone pour ce titre. On revient en 5 minutes pour retrouver Hugo, à tout de suite. Retour, c'était David Guetta avec Love is Gone à l'instant pour cette première pause. Et on va attaquer maintenant la deuxième partie de l'émission, partie foot 21h15. On est à l'heure prévue et on retrouve Hugo pour cette deuxième partie. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à toutes et à tous. Eh bien, bienvenue, re-bienvenue. En tout cas, nouvelle fois, on va débriefer l'actualité foot de la semaine passée. Spécialisation, donc ces quarts de finale. Voilà, on va revenir sur tout ce qui s'est passé. Des scénarios de fou hier encore. Il s'est passé plein de choses. C'est vrai qu'on critique un petit peu cette compétition, mais c'est vrai qu'hier, pour le coup, elle a offert pas mal d'émotions. Que ce soit pour c'est vrai que cette semaine, on a bien vibré, déjà nous en tant que Français, mais même sur l'ensemble des terrains, je parle des quarts de finale en particulier, ouais. Bien sûr. Ouais. Il y a eu des beaux scénarios et justement, ouais, même si cette compétition elle reste vraiment bonus, si on s'est éliminé, c'est pas très grave. Mais je trouve que à force, les supporters, les spectateurs, on s'y prête au jeu un petit peu, et même les joueurs, je trouve qu'ils sont quand même pas mal donnés au final, donc sur les différentes pelouses, donc c'est vrai que c'était vraiment plaisant quand même. Ouais, tout à fait. On va revenir sur tous ces scénarios d'hier, des prolongations, des tirs au but, voilà, il y a eu beaucoup de suspense. On va y revenir. Et puis il y a donc des matchs qu'on suive aussi en direct, donc je vous rappelle, qualification pour la Coupe du Monde, pour ceux qui n'étaient pas engagés en Ligue des Nations, pour les quarts de finale, il y avait des qualifs pour la Coupe du Monde, donc notamment la Pologne, qui est pour l'instant 1-0 face à Malte, donc après 23 minutes de jeu. Ça vient d'arriver, ce but. Et puis on suit aussi Angleterre, Lettonie. Donc c'est toujours 0-0 après à la demi-heure de jeu. Voilà, et puis on a aussi des qualifications en Afrique avec la Côte d'Ivoire qui mène 1-0 face à la Gambie, puis Ghana mène 2-0 face à Madagascar pour le moment. Et puis on rappelle en tennis, c'est Arthur Fils qui est engagé face à Francis Tiafoe, donc le troisième tour de tour de Miami pour l'instant. Et bien c'est Vincent Fabre qui est le français, donc 5-3 pour l'américain. Donc on va suivre la suite, bien sûr, ces quarts de ce troisième tour, et puis les intégralités des autres directs. Les quarts de finale de ce. Alors juste avant aussi, oui, un match. On va parler d'équipe de France, bien sûr, mais il y avait l'équipe de France espoir qui jouait tout à l'heure et qui a battu la Slovaquie 4-0. C'était un match amical. 4-0 avec des buts, il y a deux buteurs différents, Matistel un doublé pour lui, et puis Arnaud Kalimwendo lui aussi doublé pour lui, donc voilà les deux qui se sont fait plaisir. Voilà, il y avait un autre match aussi vendredi face à l'Angleterre, là aussi victoire des Bleus qui avaient remporté cet autre match 5-3. Voilà, des buts aussi dans cette rencontre pour les espoirs, avec un triplé d'Ekitike d'ailleurs, un but de Cherki et Quentin Merlin, donc voilà des buts un petit peu pour tout le monde, donc c'était assez sympa aussi, donc victoire des espoirs sur ces deux matchs qui se font plaisir avant l'Euro, hein, qui ce sera le prochain rendez-vous de cette équipe de France espoir, donc cet été. Voilà pour cette petite parenthèse de l'équipe espoir. Mais revenons donc sur ces quarts de finale de Ligue des Nations avec les matchs aller d'abord. On va venir sur ce match aller, donc c'était jeudi soir, avec un match qui était intéressant entre l'Italie et l'Allemagne. Voilà, on l'attendait un petit peu aussi, cette rencontre. On savait pas trop un petit peu comment ça allait se situer les équipes, hein. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu, c'est vrai, les nations se retrouver. Et l'Allemagne qui avait fait un premier, en tout cas, qui avait une petite option sur la qualif, déjà en s'imposant 2-1, malgré l'ouverture du score de l'Italie, et l'Allemagne qui a complètement renversé cette rencontre. Ouais, ça restait déjà forcément sur le papier une très belle affiche, évidemment. Attends, c'est quatre quarts de finale, c'était franchement de belles affiches sur le papier. Une affiche historique, bien sûr, aussi dans l'histoire du football. Et puis aussi, voilà, deux équipes un petit peu en reconstruction, ou peut-être un petit peu aussi en transition, même si l'Allemagne a peut-être quand même aujourd'hui toujours plus de certitudes que cette équipe italienne. Mais ouais, justement, l'Italie qui a quand même ouvert le score, tu l'as dit rapidement dans ce match, avec Tonali à la 9e minute de jeu, le ballon revient sur lui à l'entrée de surface, le but est quasiment vide. Donc voilà, c'est vrai que l'Italie a commencé fort ce match, et puis ils ont continué à pousser justement durant ces 45 premières minutes, où ils voient vraiment en contre, en transition offensive, et ça fonctionnait bien. C'est vrai que l'Italie s'est vraiment procuré deux, trois occasions, on va dire, franches dans cette première période. Et puis voilà, ça fait 15-0 à la mi-temps, mais c'est vrai que l'Italie s'est montrée beaucoup plus dangereuse, même si l'Allemagne avait plutôt le ballon. Mais voilà, il y a eu un beau coaching réalisé à la mi-temps de la part de Nagelsmann côté Mannschaft, avec notamment l'entrée de Kleindienst qui a marqué dès le retour des vestiaires à la 49e. Et puis l'Allemagne a continué à pousser, et Goretzka une nouvelle fois sur un service de Kimmich sur corner de la Z, qui a marqué ce deuxième but. Et voilà, l'Allemagne a fait une seconde période plus aboutie, s'est montrée aussi plus dangereuse et plus entreprenante. Notamment grâce à ce coaching-là gagnant, et même à d'autres entrées qui ont fait du bien aussi en fin de match côté allemand. Donc c'était déjà une belle confrontation entre ces deux équipes-là. On a senti, mine de rien, l'Allemagne un petit ton au-dessus quand même, mais l'Italie s'est vraiment montrée, je trouve aussi, relativement séduisante, comme je l'ai dit, en transition offensive assez rapidement. Donc c'est vrai que c'était un bon match entre ces deux équipes-là. Qui nous a un peu moins régalé que le match retour, on va en parler après, mais en tout cas ça annonçait déjà quelque chose de bon aussi pour le match retour, ce match-là. Tout à fait, voilà, victoire de 1. Et puis l'autre rencontre, je vous l'ai dit, un petit peu moins malgré que le scénario était un petit peu différent, mais l'Allemagne se qualifie donc en gagnant l'aller, en faisant match nul au retour, et après ça te fait peur un petit peu en fin de match quand même. C'est un peu l'inverse. En tout cas, l'Allemagne a commencé très fort cette première période, menait déjà 3-0 à la mi-temps, la 45e minute de jeu, avec notamment un deuxième but où les défenseurs italiens sur corner n'étaient pas du tout prêts, et l'Allemagne en a profité pour le tirer très rapidement, et puis il y avait juste à aller pousser le ballon au fond des filets. Donc voilà, une vraie source de malice pour les Allemands, et voilà, un manque de concentration aussi de la part des Italiens. Et voilà, ça fait rapidement 3-0. Et puis cette seconde période où l'Italie s'est remis les idées à l'endroit et s'est mis à marcher un petit peu de l'avant. Et puis un doublé de Moïse Kean, qui est vraiment dans une très bonne forme actuellement, même en club avec la FIO. C'est vrai qu'il marque beaucoup encore ces dernières semaines. Et je le trouve vraiment très bon dans le dernier geste. En tout cas, il s'est encore plus amélioré. Déjà, on s'en souvient. Je trouve sa saison à Paris, il était relativement adroit dans le dernier geste, et c'est vrai que ça reste un attaquant que j'apprécie beaucoup, moi de mon côté. L'Italie qui revient à 3-1, puis à 3-2, 70 minutes de jeu, et puis l'Italie qui va continuer à pousser jusqu'à la fin de ce match, et jusqu'à obtenir un penalty à 90+5, que va transformer Raspadori. Et ouverture du score de l'Angleterre contre la Lettonie. Je viens de voir ça, j'ai pas vu le but, mais ouverture du score de l'Angleterre, 1-0 à la 38e. L'Italie qui va continuer à pousser, donc il marque à la 90+5. Le temps additionnel était de 6 minutes, donc l'arbitre laisse encore un peu jouer forcément après ces arrêts de jeu là. L'Italie qui n'arrivera pas à créer l'exploit, mais c'est vrai que l'Allemagne s'est fait peur, mais c'est vrai que cette Allemagne qui se relâche, c'est rare. Mais ça montre aussi des petits problèmes défensifs également, ou de côté allemand, même au milieu de terrain, des absences parfois de temps en temps aussi dans ce milieu de terrain là. C'est ça qui est assez paradoxal dans cette équipe allemande, c'est qu'elle est capable du meilleur comme du pire. C'est l'Italie aussi. Je te coupe vite fait. Ouais. Je vous invite à regarder le but de l'Angleterre qui est magnifique, un bijou sur coup franc. Ouais. J'ai pas eu le temps de voir le buteur, mais. C'est encore, je crois qu'il est même plus beau que celui d'Olysée, on en parlera tout à l'heure, celui d'Olysée hier, mais un coup franc somptueux, donc il vient d'être marqué à l'instant, j'ai toujours pas l'identité. C'est Rhys James, je crois. Rhys James qui a marqué. Ah oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Le latéral de Chelsea. Ouais. Ouais, excuse-moi, je te redonne la main. Pour l'Italie. Oui, mais je clôturais, mais voilà, l'Allemagne qui peut aussi avoir des errances, même si encore une fois, je trouve que quand même, individuellement, talentueusement, sur plein de choses, elle est supérieure à cette équipe italienne. Mais l'Allemagne peut aussi se faire prendre, et c'est pour ça que je disais ça en intro, juste avant qu'on enchaîne sur le match aller entre l'Italie et l'Allemagne, c'est que même l'Allemagne, pour moi, est un petit peu encore dans une période de transition, dans le sens où Nagelsmann est quand même arrivé il n'y a pas si longtemps que ça au poste de sélectionneur, et puis Voilà, il y a des joueurs qui ne sont plus appelés. On essaie de renouveler un petit peu l'effectif de cette sélection. Et encore, même les anciens, des fois, font des erreurs et manque de concentration aussi. Et c'est vrai que l'Allemagne est mine de rien pas passé loin. Voilà. Moi, il y a une image aussi qui m'a un peu attiré mon attention, je trouve, à la mi-temps de ce match retour. Donc l'Allemagne menait déjà 3-0. On voit justement le buteur Klein Dienst, qui avait déjà marqué au match aller. Je le vois rentrer au vestiaire en train de viser sûrement un de ses proches dans le public et qui lève vraiment les deux poings au ciel comme si la victoire était déjà faite. Alors certes, il y avait déjà 3 buts d'avance sur ce match-là, plus enfin un quatrième avec en comptant le match aller. Mais j'avais l'impression déjà que le match était fini. Et c'est vrai que je l'ai ressenti comme ça en voyant ces images-là. Et encore une fois, l'Allemagne a failli se faire piéger. Donc voilà, je pense que c'est aussi cette petite mentalité-là, même si on sait que la mentalité allemande est toujours évidemment d'enfoncer le clou et d'aller le plus loin possible, d'aller remporter ces victoires-là. Mais dans cette seconde période de ce match retour, je les ai trouvés voilà, vraiment pas assez bons, beaucoup moins concentrés, comme je l'ai dit. Et voilà, donc ça a failli leur faire payer cher, mais voilà. En tout cas, l'Allemagne, on les retrouve en demi, un petit peu comme d'habitude finalement, et ça promet quand même de belles confrontations encore une fois en demi-finale. Ouais, on va en parler avec leur adversaire. Un point sur les matchs, tu l'as dit, l'Angleterre a ouvert le score, c'était il y a quelques secondes sur coup franc donc de Reece James, 1-0 face à la Lettonie. Seul match, alors c'est-à-dire c'est le choc de ce groupe entre guillemets, même si c'est que la Lettonie, mais c'est les deux équipes du haut de tableau en tout cas qui avaient remporté leur premier match. Donc voilà, pour l'instant 1-0. La Pologne aussi, je vous l'ai dit, a marqué avec Sierski qui a ouvert le score face à Malte, 1-0 également. Et puis pour les autres rencontres, la Côte d'Ivoire toujours 1-0, le Ghana mène 3-0 désormais face à Madagascar. Et puis en tennis, Arthur Fils qui a réussi à faire le débreak aussitôt, donc qui a recollé, et on est à 5 jeux partout. Voilà, on s'avance tranquillement peut-être vers un premier tie break dans ce premier set. On se rencontre, on va suivre ça bien sûr. L'adversaire de l'Allemagne, ce sera le Portugal, là aussi dans un scénario fou. Alors plus sur le match retour que sur le match aller. On va parler d'ailleurs du match aller face au Danemark. Le Danemark qui avait fait le bon coup dans cette match aller en gagnant dans le dernier quart d'heure, marquant le seul but de cette rencontre. Et on le verra ensuite le match retour qui a été fou, mais en tout cas le Danemark qui, après ce match aller, avait mis une petite option sur la qualification quand même, mine de rien. Ce match aller, c'est vrai que il y a eu 15-0, mais ça méritait beaucoup plus de buts. C'est vrai que c'était un match un peu comme tous, hein, de toute façon, hein, comme tous les quarts de finale, ça a été un match relativement ouvert, avec deux équipes relativement proches aussi, hein, finalement, dans le jeu, même si, encore une fois, sur les individualités, évidemment que le Portugal possède vraiment de très bons joueurs aussi, même encore un Ronaldo, évidemment, qui a fêté ses 40 ans il y a peu, pour le coup, qui a été inexistant dans ce match aller, fantomatique Ronaldo. Mais c'est vrai que les Danois ont été vraiment très entreprenants dans ce match aller. Ils ont vraiment pas volé du tout leur victoire 1-0 sur ce premier match, sur cette première confrontation, même s'il a fallu attendre, comme je l'ai dit, voilà, la 78e minute, ce but d'Oilund, qui d'ailleurs est venu célébrer comme Ronaldo, avec la célébration de Ronaldo. Voilà, et Portugal qui avait donné pas mal d'occasions justement, même si Diogo Costa, le gardien, a fait pas mal de très beaux arrêts, d'arrêts déterminants, décisifs dans ce premier match, et notamment qui a stoppé un penalty d'Eriksen. En même temps, sur les relances, alors soit du gardien, soit de la défense en général portugaise, ça a offert beaucoup d'opportunités au Danemark, même si voilà, le Danemark n'a pas réussi à marquer plus tôt dans ce match. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on retient de ce match aller déjà, c'est le Danemark a été vraiment très dangereux offensivement, le Portugal très peu. Je l'ai dit, un Ronaldo inexistant et beaucoup trop d'erreurs dans les relances défensives des Portugais, ce qui a amené voilà, à beaucoup de dangerosité de la part des attaquants danois. Quoi. Et puis le match retour. Match retour, ouais, par contre. Incroyable, voilà. Ouais, le scénario. Et puis du but des buts, 5 buts à 2, prolongation. C'est vrai que Portugal qui s'impose, mais qui était, comment dirais-je, assez régulier dans ce match, hein, il y a eu du bon, du moins bon, et bon, ils s'en sortent, mais quand même difficilement. Ouais, c'est ça, le Portugal qui a été plus entreprenant et plus dangereux pour le coup, voilà, ils ont su quand même vite se remettre à l'endroit et c'est d'aller chercher vraiment cette qualif assez tôt. Il y a ce CSC voilà d'Andersen sur corner il me semble à la 38e minute de jeu un petit peu avant la mi-temps, ça fait 1-0 donc pour le Portugal à la pause et puis voilà ensuite une pluie de buts. Enfin déjà le Danemark égalise assez rapidement à la 56e grâce à Christensen. Ronaldo va ensuite marquer après avoir raté un penalty hein, d'ailleurs c'est en première période je crois le penalty aussi Ouais. de Ronaldo extrêmement mal tiré, je sais pas si tu as vu Ouais, complètement, c'est même si voilà il a 40 ans tout ça mais Ronaldo tire aussi mal un penalty c'est rarement vu. J'ai rarement vu une vraie frappe écrasée à ras de terre sans conviction, c'était assez incroyable. Bon il s'est rattrapé voilà comme j'ai dit 72e minute de jeu, 2-1 donc pour le Portugal donc qui permet de rallier une nouvelle fois les prolongations dans ce match. Et puis Eriksen, quelques minutes plus tard, qui vient égaliser encore une fois. Donc voilà, scénario fou. De partout sur ce match. Et donc 3-2, le Danemark est requalifié virtuellement. Et puis, effectivement, il fallait un petit peu un héros dans ce match, côté portugais. Kringão, l'ancien du Barça, qui vient marquer le 3-2 en fin de match, hein, à la 86e minute de jeu. Et puis au tout début des prolongations, il va marquer le quatrième but du Portugal qui vient un petit peu sceller ou en tout cas frapper un grand coup sur la tête des Danois. Ça fait 4-2 dès la 91e, donc au tout début des prolongations. Et puis voilà, après, même si Danemark va avoir des occasions hein, après, hein, même un petit peu dans ces prolongations-là, on va sentir vraiment que les deux équipes sont très fatiguées, les métabolismes sont vraiment très affaiblis dans cette prolongation et puis on le voit bah, sur le cinquième but portugais aussi notamment sur un contre hein, des Lusitaniens. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'espace dans la défense danoise, notamment côté droit, où ouais, tranquillement on va pouvoir amener une nouvelle offensive et puis tranquillement centrer à terre pour Ramos qui n'a plus qu'à ajuster le gardien et ça fait 5-2 et le Portugal se qualifie logiquement mais le Danemark a vraiment pas démérité et, sur ces deux matchs. Et aurait pu, voilà, si peut-être il y avait un petit peu plus de talent individuel dans cette équipe et si les métabolismes n'étaient pas aussi voilà, usés forcément après bah, déjà beaucoup de matchs depuis le début de saison et puis bah, forcément après un match aller-retour comme ça, une double confrontation très proche avec en plus des prolongations, forcément ça fait mal aux jambes aussi, ça fait mal au corps. Donc voilà, le Portugal se qualifie quand même relativement logiquement sur le long terme, mais le Danemark aurait vraiment pu voilà, mériter quand même aussi une qualif, mais voilà, c'est le Portugal qui se qualifie, ça fait 5-3 sur l'ensemble des deux matchs. Maintenant, voilà, j'ai du mal à voir le Portugal aller s'imposer contre l'Allemagne sur un match sec, tout est possible, on le sait quand même, hein, mine de rien. Oui. Mais ce Portugal-là me semble quand même encore assez friable et un peu trop, je sais pas trop, je les sens encore pas au top niveau. Voilà, Ronaldo bah quand même très vieillissant et des fois maladroit, parfois fantomatique, beaucoup trop, mais puis on sent qu'il veut pas lâcher le steak, Cristiano, il veut pas lâcher la sélection. Et puis voilà, des Bruno Fernandes par exemple qui a un talent fou évidemment et voilà, mais qui est un peu plombé aussi par je pense sa saison à United où ça joue pas très bien. Vitinha qui est exceptionnel avec le PSG, mais j'ai l'impression qu'il manque encore, il manque un peu d'assurance où il devrait vraiment plus s'imposer, essayer de s'imposer au sein de cette équipe. Voilà, enfin, je pourrais évoquer ces joueurs-là, mais et puis voilà, même des Conceição ou des Raphaël Leão devant aussi qui ont du talent, ça c'est indéniable, mais qui sont aussi un peu ont du mal à enchaîner les bonnes performances, qui sont un peu irréguliers. Donc c'est le problème de ce Portugal-là. Il y a des petits problèmes un petit peu à chaque ligne. Bah c'est pour ça que j'ai du mal à aller voir voilà, essayer de battre cette équipe allemande, même si encore une fois je leur dis cette équipe allemande est prenable, on l'a vu contre l'Italie au match retour. Il y a des lacunes aussi, il y a beaucoup de talent, mais voilà. Mais justement ça promet, je pense, quand même à une belle confrontation entre ces deux équipes là. Eh ben ouais, on suivra ça en juin prochain, donc mais tu l'as dit, ce sera un match sec là, donc ce sera forcément différent de ces deux rencontres avec match aller-retour. On suivra bien sûr ça avec attention. Les autres quarts de finale, du coup, avec Pays-Bas-Espagne, voilà, indécis jusqu'au bout, hein. Au match aller, déjà indécis, puisque match nul de partout, là aussi, il s'est passé beaucoup de choses, hein, avec les Pays-Bas qui ont mené 2-1, et l'Espagne qui a mené 1-0 déjà, et puis c'est l'Espagne qui a égalisé en fin de match, aussi plombé par un rouge, les Pays-Bas. Mais première manche très indécise déjà, là on n'avait pas trop d'options sur cette qualification. 5, on avait, au terme de ce premier match, effectivement, 2-2, donc un très beau match, très ouvert. C'est vrai qu'on avait du mal à vraiment à se dire qui pourrait vraiment inverser la tendance au match retour. Alors même si le fait, voilà, forcément le match retour allait être en Espagne, donc peut-être petit avantage aux Espagnols, qui sont quand même aussi sur une nouvelle belle génération, qui viennent de remporter l'Euro aussi l'année dernière. Donc peut-être un léger avantage Espagne, mais honnêtement, sur ce match aller, j'ai trouvé les Pays-Bas beaucoup plus conquérants, c'est vraiment les Pays-Bas qui se sont procurés les meilleures occasions. Que j'ai trouvé vraiment plus adroit et beaucoup plus entreprenant, ouais, comme je l'ai dit. Donc c'est vrai que je trouve ça mal payé pour les Pays-Bas, ce match nul finalement, pas chez eux, chez eux aux Pays-Bas. Donc c'est vrai que je trouve ça assez mal payé. Il y a ce carton rouge, tu l'as dit, qui est forcément un fait de jeu important à la 82e, hein, ce tacle non maîtrisé du jeune Ato sur le Normand, qui en rajoute quand même beaucoup finalement. On le voit au ralenti, parce que c'est vrai qu'à vitesse réelle, ça semblait vraiment un tacle qui est non maîtrisé, ça c'est factuel, mais on avait vraiment l'impression que ça avait pu être très dangereux sur le Normand. Finalement, au ralenti, on voit que voilà, il ne le touche pas énormément. Mais ce carton rouge qui, forcément, sur les 10-15 dernières minutes, va peser sur la défense des Pays-Bas. Et puis Merino, qui venait de rentrer, le nouveau serial buteur d'Arsenal, ancien numéro 6, numéro 8, qui est un petit peu devenu un 9, marque pour l'Espagne et égalité tranquillement en cette fin de match pour redonner beaucoup d'espoir et beaucoup de suspense dans cette double confrontation. Mais voilà, selon moi, sur ce match aller, je trouve que les Pays-Bas auraient dû remporter la victoire, même si l'Espagne a eu le ballon, l'Espagne a un peu plus tiré aussi au but, hein, on le voit au stat, que les Pays-Bas. Mais pour moi, les Pays-Bas étaient vraiment mieux en place, et puis je l'ai dit, se sont procurés les occasions les plus franches, les plus dangereuses. Donc c'est pour ça que j'estimais que cette équipe des Pays-Bas aurait pu mériter au moins de repartir avec le 2-1 de ce premier match. Et puis le retour, là aussi, scénario fou. On a dû aller jusqu'au tir au but, tour à tour, les équipes ont mené, se sont rejointes, et on a dû attendre cette cruelle séance de tir au but. Ouais, l'Espagne, peut-être pouvait s'y attendre, comme c'était justement à la maison, ce match retour qui commence très fort, qui a vraiment à cœur de mettre de l'intensité dès le début de match, et ça va payer puisqu'ils vont obtenir un penalty dès la 8e minute de jeu et qui va être transformé par un spécialiste en la matière, Mikel Oyarzabal. Ça fait déjà un 0, donc en même pas 10 minutes de jeu, et puis l'Espagne et les Pays-Bas qui vont continuer à se déchirer, à se confronter, à se mener à une bataille acharnée. Jusqu'à la mi-temps, il y a toujours 1-0 seulement à la mi-temps pour l'Espagne, et puis un pénalty cette fois-ci côté néerlandais que va transformer Depay, qu'on revoit sur les terrains européens. Du coup, ça fait un partout à la 54e. Et Oyarzabal qui revient, ça fait 2-1 pour l'Espagne à la 67e minute de jeu, un beau but aussi de sa part. Et puis une dizaine de minutes plus tard, Madsen qui revient pour le 2-2. On a vraiment l'impression que ce match-là, en vrai de vrai, ils auraient pu jouer vraiment 3 jours. Il y aurait toujours eu un 2-1, 3-2, 3-3. Enfin, ils seront jamais départagés. Mais moi, c'est vraiment ce type de match où ça pouvait se jouer qu'au tir au but, ce qui a été le cas du coup, parce que même avec un superbe but en prolongation de Lamine Yamal à la 103e minute de jeu, où il crochète bien, il se met dans une très bonne position côté droit dans la surface, et il vient conclure d'une super frappe bien placée côté opposé dans le petit filet. Ça fait 3-2 pour l'Espagne, et puis quelques minutes plus tard, un second penalty accordé aux Néerlandais que va transformer tranquillement Xavi Simons. Ça fait 3-3, et on va s'arrêter là pour le temps réglementaire, en tout cas pour la partie. Et voilà, cette séance de tir au but où justement deux jeunes vont couper leur penalty côté espagnol. C'est Lamine Yamal qui pareil loupe vraiment sa frappe, et puis va faire Verbruggen bien sûr. Arrête cette frappe. Noé Lang également, il met une grosse frappe qui termine sur la barre malheureusement, parce que c'est vrai que entrée c'était pareil. Et puis Daniel Malem qui se loupe aussi en dernier tireur des Néerlandais, et Pedri qui a plus qu'à, c'est un grand mot évidemment, mais a transformé son penalty pour qualifier l'Aurora. Et l'Espagne sort vainqueur. C'était en tout cas une superbe double confrontation, je pense. Sur les 4 quarts de finale, c'était, je pense, la confrontation la plus égale finalement, et vraiment la plus avec le scénario le plus dingue, quoi. C'est vrai que sur les deux matchs, ça fait quand même 5 partout. C'est vrai qu'à chaque fois, comme je le disais, ils auraient pu jouer vraiment 3-4 matchs. J'ai l'impression qu'il y aurait à chaque fois eu match nul, qu'il fallait vraiment des tirs au but pour les départager. Donc non, c'était vraiment une superbe double confrontation entre espagnol et néerlandais. Donc franchement, on en ressent heureux. C'est pour ça que cette Ligue des Nations, là, nous a vraiment fait plaisir. Et peut-être qu'elle va prendre un petit peu de crédit quand même, même si ça ne sera pas évidemment à la hauteur d'un euro ou d'une Coupe du Monde, évidemment. Mais je pense que ça prend un petit peu de galon au fil du temps, et comme je le disais, les joueurs là jouent beaucoup. On le voit sur ces différents scénarios, le Portugal qui est obligé d'aller aux prolongations contre le Danemark 5-2, l'Italie qui a failli renverser l'Allemagne, voilà, puis cette double confrontation Espagne-Pays-Bas qui était grandiose aussi. Donc non, franchement, que de très beaux scénarios, avant de parler de la France en plus aussi, où il y a un scénario assez dingue également. Donc voilà, mais les Pays-Bas n'ont vraiment pas démérité. Voilà, je pense qu'il peut y avoir aussi un petit peu de regret dans l'air côté néerlandais, parce qu'il y avait la place d'aller essayer de glisser, de battre cette équipe espagnole. Mais voilà, l'Espagne gagne quand même, elle me semble un petit peu supérieure, mais techniquement notamment, mais les Pays-Bas n'ont pas démérité quand même, quoi. Toujours invaincu d'ailleurs depuis l'Espagne depuis 18 Un peu plus matchs. d'un an, ouais. Ouais. Ouais, Ah ouais, ouais. un peu plus d'un an, c'est ça. Voilà l'exploit peut-être des Français qu'il faudra viser. On en parle juste après là, de cette équipe de France. Les directs, donc la mi-temps dans les rencontres à Pologne-Malte, quasiment il y a des temps additionnels. Donc on est à 45 plus 10. Il a dû se passer beaucoup de choses. En tout cas, il y a toujours 1-0 pour la Pologne. L'Angleterre, on le rappelle, mène 1-0 toujours avec l'ouverture du score à 38e de James. C'est la mi-temps donc. Donc voilà, qui est devant, mais qui n'est pas à l'abri encore, cette équipe d'Angleterre. On a donc la Côte d'Ivoire qui mène toujours 1-0 aussi face à la Gambie. Là aussi, le break n'est pas fait. Et puis la Ghana mène toujours 3-0 face à Madagascar. Et en tennis, c'est le tie-break, donc comme on pouvait l'imaginer. 6 points partout dans le tie-break entre Hurtsoffice et Francis Tiafoe. Donc c'est très disputé ce tie-break. Il menait 6-4, Tiafoe, il a été rejoint 6 partout. Et là, on va attaquer les points décisifs. On va suivre cette fin de tie-break, et bien entendu, et on va bien entendu aussi parler. Et bien même 6-3, l'Américain, il a été rejoint. Et voir s'il s'en sort dans cette fin de tie-break. Là, on est en train de tourner. Et puis donc voilà, cette rencontre qu'on attendait, Croatie-France d'abord à l'extérieur. Où on n'a pas, voilà, on n'a pas reconnu cette équipe de France. C'est vrai, donc ça fait peut-être aussi un moment qu'on a du mal avec cette équipe de France. Mais là, c'était vraiment, vraiment compliqué, et une défaite 2-0. Et voilà, des choses compliquées. On va en parler sur la rencontre. Et puis pas de but surtout. Encore une fois, malgré quelques occasions quand même. Ouais, plus en seconde période, ces occasions-là, sont tes témoins. Enfin, je sais que tu n'as pas vu en direct la première période, puisque je t'ai envoyé des messages à la mi-temps pour te témoigner de mon dégoût, enfin la catastrophe qu'était cette première mi-temps des Bleus sur ce match aller. Du coup, j'ai dû t'expliquer que vraiment défensivement, c'était cata. Que Konaté offre un petit peu ce premier but déjà pour Bodimir. Que au milieu de terrain, ça fonctionne pas, que mettre trois numéros 6, enfin trois milieux à vocation défensive ensemble, je suis pas le seul à le dire, hein, de toute façon c'est factuel, mais Deschamps, voilà, ce but vraiment à ces joueurs-là, Rabiot, Tchouaméni, Gendouzi, qui sont des bons joueurs, ça y a pas de problème. Enfin, on pourrait le prendre un petit peu à partie chacun et déceler un petit peu le bien et le moins bien, mais faire jouer trois milieux de terrain, voilà, à vocation défensive comme ça ensemble, ça voilà, c'est voué un petit peu à l'échec, ou en tout cas surtout offensivement, forcément qu'il y a un manque de création dans le milieu de terrain, et puis cette attaque qui n'a pas été à la hauteur aussi du tout, Dembélé qui s'est retrouvé un petit peu de maladresse par rapport à ce qu'il montre en club, Mbappé qui n'a pas été bon, mais d'ailleurs même sur le match retour, on en reparlera après, mais je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, voire un petit peu fantomatique. Colomwani, même chose, qui est en forme avec la Juve, mais que j'ai pas trouvé du tout tranchant sur les deux matchs non plus. Donc voilà, il y a eu des bonnes entrées quand même dans ce match aller. L'entrée de Upamecano, forcément, j'ai à la mi-temps à la place de Konaté, ça a quand même fait un peu de bien et apporté un petit peu plus de sérénité dans cette défense, même si Saliba n'est pas exempt de tout reproche aussi sur plein de choses. Il a pas été bon sur ce match aller. Voilà, les entrées de Kamavinga qui a fait un petit peu de bien au milieu de terrain, forcément, qui est moins à vocation défensive, qui est pas non plus un créateur, mais mais qui a une bonne patte quand même, et un peu à la Rabiot, mais qui a fait un petit peu de bien quand même en place au Rabiot justement. Et après voilà, des changements comme Olise et Koné qui arrivent en fin de match, pour moi ça fallait faire beaucoup plus tôt. Et surtout dès ce match aller, j'aurais aimé voir Désiré Doué rentrer pour sa première sélection, parce que je pense que c'est ce type de joueur qui aurait pu peut-être nous faire marquer au moins un but sur ce match là. Mais voilà, après je sais pas trop ce que t'as vu du match en direct, Torani, quand t'es revenu chez toi et tout ça, si t'as vu un peu la seconde période. Ouais, seconde période. Ça restait quand même pauvre aussi, hein, sur ce match. Ouais, peu d'occasions franches en tout cas. Et on avait l'impression qu'on pouvait jouer deux heures, on marquait pas. Hein. C'est la faute aussi à un grand Livakovic, hein, qui a été costaud dans les buts, mais encore plus au retour. Mais bon, à manque de serrer, de tranchant, et il manquait, c'est vrai que peut-être un, bah on va en parler, un peut-être un Olise aussi qui a été bon hier, ou un, tu l'as dit, un j'ai oublié, Désiré Doué. Un Désiré Doué, oui, qui aurait pu dynamiter un peu cette attaque française, qui l'a un peu fait aussi hier. Donc ça aurait peut-être pas les meilleurs choix de Didier Deschamps sur cette compo à l'aller. Ouais, Olise qui est rentré à la 84e, c'était bien trop tard, hein, pour moi. Ouais, et puis on sent qu'offensivement il essaye de faire un petit peu ce que fait le PSG, quoi, en mettant Dembélé en pointe, en mettant Mbappé à gauche, tout ça. Bah, le problème c'est que le PSG c'est pas que ça, quoi. Au PSG t'as des milieux de terrain créatifs, quoi. T'as des Vitinha, t'as des joueurs au Neves, puis qui sont un peu plus portés vers l'avant aussi, même si c'est des joueurs qui sont bons défensivement aussi. Mais voilà, c'est pas parce que tu mets Dembélé en pointe et qu'il marque pas beaucoup cette saison que ça va forcément fonctionner. On l'a vu offensivement, on a tiré au but forcément, notamment en seconde période où on s'est remis un petit peu voilà, à jouer et à montrer des petites choses. Mais dans les derniers gestes, on a rarement été extrêmement dangereux sur ce match-là, hein, honnêtement. Ouais, clairement. Et puis ouais, Barcola, oui, qui est rentré un peu tard aussi à l'heure de jeu. J'aurais aimé, comme Kamavinga, les voir avant, mais ouais, c'était compliqué. Et puis après la Croatie, bon, ils ont pas non plus fait un match de leur vie, hein, mais par contre, bah Modric, 39 ans, faire le match qu'il fait encore, oui, bon bah écoute, même Kovacic, même Perisic, voilà, oui, les trois légendes un petit peu, c'est encore très costaud. Alors c'est court plus autant qu'avant, mais je veux dire, dans techniquement et dans l'envie, et même parfois physiquement quand même, ça reste très fort, hein. Ça nous a bougé en tout cas, ce match. Ouais. Et puis Guardiola derrière, costaud. Qui est costaud, même si dernièrement je le trouve un peu moins bien que City. C'est vrai que sur ce match aller, il a été très bon. Ouais. Tie break toujours, Anthony, c'est serré, 10 partout dans le tie break. Là, les deux n'arrivent pas à se départager. C'est toujours ça, hein, Arthur Fils face à Tiafoe. Et bien sûr, on évoque ce match retour ensuite. Donc hier, là aussi, il a fallu attendre le bout du bout dans cette rencontre pour connaître le qualifié des demi-finales. Il fallait renverser cette double confrontation, voilà, avec une compo complètement différente, hein, cette fois-ci. Un Upamecano d'entrée, un Hernandez qui avait remplacé Lucas Digne, et puis après devant un petit peu différent avec une pointe pour Mbappé, et puis voilà, trois offensives, Dembélé, Olise, Barcola, Tchouaméni, Koné qui a fait son entrée aussi. Koné, on avait besoin, parce que c'est pas le plus créateur des milieux de terrain, mais il l'est beaucoup plus, il l'est plus, et je le disais chez moi avec mes proches en regardant le match, je trouve que c'est vraiment presque l'homme du match côté français, enfin même l'homme du match du coup. Koné, même si forcément c'est pas celui qu'on retient parce que c'est pas lui qui marque les buts, avec Olise, oui, qui a marqué un beaucoup de francs, qui a été très important aussi dans l'animation offensive, mais Koné, Manu Koné, j'ai trouvé très bon justement, oui, bah dans l'animation offensive aussi, dans ses choix, dans sa distribution, dans la récupération, j'ai trouvé très important. Oui, c'est vrai qu'on l'a, on ça nous a aussi manqué à l'aller, ce type de profil. Et après, j'ai bien aimé Olise, évidemment. Hernandez, je l'ai pas retrouvé comme on l'a vu avant ses blessures. Il a moins porté offensivement. C'est vrai qu'on d'habitude on avait l'occasion de le voir monter vraiment et centrer, là on l'a moins vu. Et puis défensivement, bon, il a pas eu grand chose à faire, mais on attendait plus du coup offensivement sur cette rencontre, et je l'ai pas trop retrouvé. J'étais un petit peu déçu de... Ah, c'est un peu à l'image de sa saison avec Milan cette année, ouais, quand même. Oui, c'est vrai. C'est un peu attendant, ouais, aussi, hein. Ou pas Mécano, par contre, j'ai trouvé bien. Il a pas eu grand chose à faire. Franchement, ouais, j'étais pas extrêmement serein. Après, Avec la performance de Konaté Oui. lors du match aller, je me disais que ça pouvait pas être vraiment pire. Donc bon, mais c'est vrai que non, la défense était plutôt, je veux dire, sereine, sérieuse. Mais bon, côté croate, honnêtement, si on peut en parler aussi sur ce match-là, ils sont complètement passés à côté. Ou alors, Ouais, mais ils ont je sais pas, mais ils sont pas joués n'ont quoi. pas joué, ils ont pas joué ce match. Non. Alors oui, quoi, encore une fois, c'est une équipe vieillissante, Cassie Star bah, vieillissante aussi, mais c'est assez impressionnant de, ils n'ont rien proposé du tout, quoi. Non, ils n'ont pas joué. C'est Je pense un qu'ils ont cocktail. attendu Hein. tranquillement derrière. Ça a marché un temps, parce que c'est vrai que le but, il arrive quand même tard. Enfin, il arrive à 52e, donc Oui, c'est vrai qu'à la mi-temps, il y avait encore 0-0, c'est vrai. Donc. ça avait fonctionné, hein. Et puis, alors, par contre, les fautes, c'est ça, c'est de la folie, hein. Le nombre de fautes de la Croatie, je sais plus de 20, je crois. On est remonté à combien de fautes? 24. Incroyable. Et puis 6 cartons, c'est vrai qu'au départ, sur la rencontre, j'ai un peu peur parce que Michael Oliver a laissé beaucoup jouer, hein. Beaucoup avoir des contacts un peu à À l'anglaise, l'anglaise, hein. il a laissé Ouais. jouer. J'ai eu peur, j'ai dit, c'est pas bon pour nous. Et heureusement, derrière, il a sifflé un peu plus, il a mis des cartons et c'était tant mieux parce que c'est vrai que c'est pas le type de jeu qu'on aime et on est un peu en difficulté quand ça bouge comme ça. Et du coup, bah ouais, c'est cette Croatie qui a pas joué du tout comme tu le disais. Qui a été plus agressif avec ses fautes commises, mais c'est vrai qu'a attendu derrière tranquillement. C'est vrai que ça a presque marché, hein, c'était un coup qui aurait pu fonctionner, hein, parce que même jusqu'à la 80e, il était encore qualifié, hein, mais voilà, à Bon, partir. je pense quand même que c'était assez pas utopique, mais en tout cas c'est genre je sais pas, c'est peut-être pas nous manquer de respect dans ce sens-là, mais je veux dire tu sais quand même qu'en face t'as Mbappé, t'as des Dembélé qui justement s'est transformé en un véritable serial buteur, et c'est lui qui marquera justement ce deuxième but français. Mais t'as quand même des joueurs de talent aussi en face. C'est quand même assez osé. Il fallait vraiment être très confiant pour se dire qu'on va essayer de tenir la baraque pendant 90 minutes, quoi. Enfin, je trouve que c'était quand même osé, surtout encore une fois, enfin, c'est une équipe de France qui reste évidemment très jeune, enfin, avec des éléments, avec des joueurs très jeunes, contrairement encore une fois à une équipe croate qui est relativement âgée, quoi. Donc, fallait se dire qu'on pouvait le faire, quoi. Enfin, côté croate, quoi. C'était sûr que ça allait être compliqué quand même, hein, de ne rien proposer comme ça offensivement, de ne pas essayer d'aller chercher ce but quand même pour essayer de se mettre à l'abri. Je pense que c'est un mauvais choix quand même. Ouais, non, ça n'a pas été payant. Ils ont rien proposé du tout. Il y a eu quelques tirs, mais il n'y a pas eu de. En tout cas, occasion de France, on n'a pas eu. Hein. Mais non, il n'a pas eu de boulot. Hein. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Non, ouais. Et par contre, j'ai côté français, j'ai bien aimé Doué, ouais, on l'a dit, hein, qui est rentré un peu tard aussi pour moi. Bon, 66e, il a eu quelques opportunités. Il y a eu deux frappes, ouais, qui ont été bien détournées. Encore un grand Livakovic, hein, qui a sorti encore un gros match, hein, sur les frappes de Doué, sur les quelques frappes de Mbappé aussi, notamment une en prolongation là qui faisait un peu penser à celle de Doha, hein, en finale, même si cette fois était un petit peu moins bien tirée. C'est vrai que ces frappes là, il y a eu aussi un face à face aussi qui manque, enfin qui manque. Gagnin sort bien, mais c'est vrai qu'avant ces buts-là, il les mettait, hein, ces petits piqués, et ça manque un petit peu, hein. Mbappé qui Non, exactement, ouais. Ouais. C'est Non, vrai. mais c'est vrai qu'en équipe de France, il a encore du mal, hein. Ouais. Enfin, il a Et comme depuis un an. même des fois sur des suites à des frappes, on pensait qu'il pouvait récupérer le ballon, mais il était un petit peu juste physique. Enfin, voilà, il avait pas réussi des fois à attraper des ballons qui avant il allait les récupérer, quoi. Donc trop un petit peu juste encore. Mais pour le reste, ouais, doué bien. Et puis Kamavinga un peu déçu, il est rentré un peu tard pour moi. Quand il est rentré sur la deuxième période de prolongation, il a tout de suite, on l'a vu, hein, il a été, enfin, il a fait des choses tout de suite qui ont amené du danger devant, notamment sur une des frappes de Mbappé justement détournée. C'est lui qui fait une passe, il évite un tac, il se retourne, il regarde, jette un coup d'œil, il met ce petit ballon dans la surface qui amène cette action, cette occasion. Mais globalement, je pense qu'il a fait une grosse entrée. Mais pour moi, il aurait dû rentrer déjà avant la début de prolongue, mais même avant. Hein. Pour moi, il aurait pu rentrer bien avant, et j'aurais pas forcément sorti Olise qui avait bon fait un gros match, mais peut-être, je sais pas, peut-être Tchouaméni, je pense. Ouais, mais je pense que Tchouaméni, il a la cote avec Deschamps, quoi. Ouais, mais je l'ai pas trouvé. Tu le vois, il est tout le temps titulaire, Tchouaméni. Ouais. C'est le seul qui bouge pas. Hein. Globalement, il a fait un bon match, mais enfin, je l'ai pas trouvé. Il reste assez moyen, comme un peu à chaque fois, quoi. Là, moi, j'aurais mis Kamavinga à sa place, par exemple, d'entrée. Hein. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Peut-être d'entrée. Ou alors, au moins, à l'heure de jeu, voilà. Qu'il ait vraiment du temps, au moins une demi-heure pour avant la fin du temps réglementaire. Là, il a eu 15 minutes. C'était trop peu, malheureusement. Et je trouve la force d'un Kamavinga qui reste un bon joueur, mais voilà, qui a encore, je trouve, une marge de progression à essayer d'atteindre. Mais c'est sa force, je trouve, c'est quand même la vision de jeu, notamment portée vers l'avant. C'est vrai que je trouve ça, c'est important chez lui. Plus défensif quand même. Offensivement, il apporte un petit peu moins. Il a plus un milieu, c'est plus un milieu récupérateur. Là, il va te récupérer des ballons, gratter des ballons. Mais c'est vrai que Kamavinga, il a plus cette faculté à aller apporter des choses. Bon, on l'a vu sur 2-3 ballons offensivement. Ça amène des du danger tout de suite. Donc un petit peu déçu de cette décision de le faire rentrer tard. Daniel Emery qui est rentré un peu plus tard, il a rien pu montrer, hein, il avait 10 minutes donc c'était compliqué. Enfin, il a remplacé Koné qui était blessé. Il avait besoin de son neuf quand même. Parce que c'est vrai que Koné, c'était une crampe. Il avait quand même besoin de. J'aurais fait sortir un petit peu plus tôt, moi, peut-être à la place de Olise qui avait peut-être un peu plus de jus, mais bon, après. Comme Oumani, pareil, il a fait un petit peu, mais on l'a pas trop vu. Il a pris un jaune, c'est le seul. D'ailleurs, jaune. Bappé aussi qui a pris un jaune un petit peu bêtement, comme d'habitude. Tôt dans le match, Tôt dans le match, pour contestation. Qui a été un petit peu. On a beaucoup entendu, qui a été assez énervé sur la rencontre. Et puis, pas décisif, malheureusement, même s'il a eu des occasions. Hein. Il a fallu s'en remettre sur ce coup franc, idolisé, un bijou pour son premier but. Et puis Dembélé, qui l'a dit, qui a pas fait son gros match, mais il est buteur, quoi. Il est là, il permet d'égaliser. Ouais, puis on l'a trouvé, plus intéressant en équipe de France comme ça sur ce côté droit. C'est vrai puis dans un système comme ça, c'est vrai que là, ça faisait plaisir d'avoir cette équipe de France comme ça, entreprenante, qui propose du jeu. Et c'est vrai que là, au moins, c'était plaisant à suivre. Mais est-ce qu'il faut à chaque fois attendre qu'on soit dos au mur pour avoir du beau jeu en équipe de France? C'est ça qui est dommage, même si on sait que les Bleus ne sont jamais aussi forts en étant un petit peu dos au mur. Ça on le sait aussi, hein. Exemple, finale Coupe du Monde 2022, point. Notamment, même si on malheureusement on perd à la fin, mais voilà. Maintenant, je pense qu'on connaît Deschamps aussi, encore une fois toujours borné dans ses idées et dans ses choix. Donc j'ai peur que lors de ce Final Four en juin, on retrouve un petit peu le même type d'équipe, voire la même équipe type que le match aller, quoi, et qu'on se retrouve un petit peu là à subir, à ne pas proposer grand chose, et j'ai peur que ça devienne comme ça, alors que j'aimerais revoir ce genre de 4-2-3-1 avec ce genre d'animation offensive et ce milieu de terrain. C'est vrai que j'aimerais vraiment revoir ça, quoi, parce que on le voit que ça marche. Ça fonctionne. Quand on veut, ça marche. Ouais. Et surtout sur un match sec. Là, il y aura pas un match retour pour essayer d'inverser la tendance. C'est ça. Donc, mais connaissant Deschamps, voilà, je pense que malheureusement on retrouvera plus une compo, si ce n'est cette compo qu'on avait au match aller, qui manque cruellement de saveur et qui ne proposait pas grand-chose, si ce n'est rien. Vas-y, fini. Non, moi je voulais juste parler de Koundé, que j'ai trouvé franchement mauvais, très mauvais. Défensivement, il se faisait passer facilement quand même s'il a pas eu beaucoup de boulot forcément avec cette équipe croate, même au match retour, mais offensivement c'était compliqué aussi, très maladroit dans ses centres aussi, plein de choses. Franchement, techniquement, il a été très en dessous de ce qu'on peut voir des habituellement avec lui aussi, même si c'est pareil, c'est le type de joueur qui est très irrégulier, même en club au Barça, il peut sortir de très bonnes performances, comme des fois être fantomatique, voire mauvais. Et là, même sur les deux matchs, je l'ai vraiment trouvé pas bon. Et puis en plus, il loupe son penalty aussi, enfin son tir au but. Ah, très mal tiré. Lors de la son tir au but, très mal tiré aussi. On le sentait qu'il était en manque de confiance, qu'il sortait d'un match déjà de 120 minutes, évidemment, mais que voilà, en plus il a fait une pétro performance. Voilà, c'est moi je voulais surtout le pointer du doigt quand même aussi, parce que franchement, il a pas été du tout à la hauteur sur ces deux matchs là, moi je trouve. Et puis Hernandez aussi, que dire de son tir au but, hein. Oui, aussi, bah, les deux latéraux, hein, mais même, ouais. Tu le disais tout à l'heure aussi, même, ouais, Hernandez, dans le jeu, il a pas du tout été à la hauteur non plus. C'est vrai que, ouais, on n'a pas été gâté par nos latéraux, malheureusement, ouais, sur ces matchs-là. Et puis, bah, que dire de Meignan encore décisif sur les tirs au but? Ça fait du bien d'avoir un gardien qui sort des pénalités. J'allais dire, ça fait du bien d'être serein, quand même. Ouais. Au début, j'ai été plus serein. Je pas dit ça va se faire, mais on est voilà. Tu sens qu'il y a quand même un peu plus de chances de passer, quoi. Ah ouais, tu sais que t'as quelques joueurs qui sont habitués un petit peu à tirer des tirs au but. Voilà, je pense à Mbappé, même Tchouaméni qui est peut-être pas aussi habitué à tirer des tirs au but, mais qui est malgré ça, je trouve quelqu'un d'assez serein. Je veux dire, Tchouaméni, ça reste un joueur posé. On peut dire qu'il est souvent moyen, que c'est vrai qu'on trouve rien d'extraordinaire à ce joueur, tout ça. Mais je trouve que c'est quelqu'un de serein, de posé, de calme aussi. Donc c'est important aussi dans cet exercice-là. Puis MDG Redoué, qui avait marqué le dernier tir au but contre Liverpool il y a quelques jours. Et là, voilà, pareil, il fallait le marquer. Et surtout, il fallait le marquer, c'était la mort subite. Donc il fallait vraiment, il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est ça, il avait pas le droit à l'erreur du tout. Et voilà, ce petit jeune là qui débute en équipe de France est vraiment au très haut niveau, on va dire ça, en plus avec le PSG aussi, qui fait preuve au-delà d'un talent, d'une marge de progression assez folle, qui fait vraiment preuve encore une fois aussi d'un calme et d'une sérénité exemplaire. Et c'est vrai que c'est beau. Donc je disais, voilà, ça par rapport à ce type de joueur là, et en plus quand tu sais que lui derrière, en plus t'as un gardien qui peut vraiment te sortir des parades dans un exercice qui maîtrise bien ses tirs au but. C'est vrai que ça fait du bien dans le football français de vivre un petit peu ces moments-là plus sereinement qu'avant où c'était presque perdu d'avance, quoi, malheureusement. Et bah, c'est comme avec le PSG, voilà. Quand tu sais que t'as Donnarumma dans les buts, sur les séances de tir au but, c'est presque comme si t'avais déjà un but d'avance, presque. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que chapeau, très très très très bon, très très bonne performance de Meignan encore une fois sur cette séance de tir au but. Final Four donc. De cette Ligue des Nations, donc mercredi 4 juin Allemagne-Portugal et jeudi 5 Espagne-France. Voilà, donc est-ce que ce sera on sait déjà si c'est en Allemagne, je sais plus si on a la décision, parce que ça devait être en Allemagne ou en Italie, je crois, c'était l'un ou l'autre, hein, donc ce sera en Allemagne du coup. Ce sera à Munich, ouais. Ouais, c'est ça, Allianz Arena. Et puis donc la finale le dimanche 8 juin. Et il y aura une petite finale aussi qui sera jouée dans cette rencontre. Donc voilà, on en reparlera bien sûr de ce Final Four. Et puis alors ça a repris dans les matchs. Arthur Fils qui a gagné le tie-break de 13-11, hein, ça a été long, et qui fait la course en tête pour l'instant dans la deuxième manche. Et puis donc la Pologne mène 2-0 désormais face à Malte. Doublé pour Sulierski, et puis l'Angleterre, ça a repris, tu rends 0. Bien sûr, tu nous tiens au courant. Et puis, oui, tout à fait. Et la conséquence aussi de cette qualification de l'équipe de France, c'est qu'on connaît le groupe de cette équipe de France pour la Coupe du Monde, pour les qualifs de la Coupe du Monde 2026. Donc, on aura un groupe à 4. Voilà, c'est la bonne nouvelle, c'est que du coup, on aura ce final formé, on aura deux matchs en moins. Pour ces qualifications, donc l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan, voilà, pour ces trois rencontres, les matchs, donc les quatre matchs d'en septembre et deux en novembre. Donc voilà, ça va être beaucoup plus court désormais, avec d'abord un déplacement en Ukraine ou probablement sur un terrain neutre, donc ensuite l'Islande et puis enfin l'Azerbaïdjan pour finir. Donc voilà, les quatre rencontres, et on rappelle, le premier sera qualifié et le deuxième devra passer par un barrage, voilà, bon, a priori, voilà, c'est largement à sa portée. On se doit d'être premier, oui. Ah oui, Ukraine, Islande et Azerbaïdjan, c'est quand même normalement largement faisable. L'Ukraine, justement, très rapidement, il y a des barrages aussi entre la Ligue A et la Ligue B. L'Ukraine qui a failli se qualifier, mais c'est la Belgique qui a inversé la tendance, qui avait perdu 3-1 à l'aller et qui a gagné 3-0 au retour hier, donc un match fou aussi, puisque. Jusqu'à la 70e, il n'y avait toujours pas de but. Et puis la Belgique a marqué 3 fois en 15 minutes, avec derrière un doublé de Lukaku et un super but. Hein. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce ciseau de Lukaku sur le deuxième. Ouais, c'est une belle reprise de volée, oui, quasiment un ciseau, ouais, magnifique. Ouais. Ouais. Et donc ça qualifie la Belgique de Rudy Garcia, hein, qui entraîne désormais la Belgique, qui reste du coup en Ligue A. On aura donc la Turquie aussi qui sera en Ligue A. qui a affronté la Hongrie, la Serbie aussi qui a affronté l'Autriche, et puis la Grèce qui donc sera en Ligue A, et l'Écosse qui restera en Ligue B. Voilà les barrages de ces accessions en Ligue A. Et puis donc le Final Four en juin prochain. Les directs, donc voilà, on l'a dit, on suit ça bien sûr avec attention. On marque une pause, on a un petit peu de temps, on en profite et on revient après pour la Ligue 1, donc présentation de cette journée qui nous attend et pronostic bien sûr, comme d'habitude, pour clôturer à 22h30. Allez, une pause. Jerk It Out, c'est le groupe The Scissors à l'instant, et on revient après pour la dernière partie Ligue 1 donc, et pronostic. À tout de suite, vous en rien ciel, 22h05. À l'instant, Jerk It Out à l'instant pour cette pause. D'ailleurs, vous avez peut-être reconnu pour les gamers l'une des chansons de FIFA 06. Voilà, bon, ça date un peu. Hein. Je sais pas si tu y as joué. Ça rappelle de bons souvenirs quand même. Ouais. C'est mes premiers FIFA, moi, un petit peu sur PS2, tout ça, sur DS aussi. Donc, L'un des meilleurs opus d'ailleurs des FIFA, enfin à cette époque-là en tout cas. Ah, puis ouais, c'est vrai. Une musique légendaire, effectivement. Eh oui, incroyable. Donc voilà pour cette pause. Et puis autre son aussi, très bon son pour finir tout à l'heure l'émission. On revient 22h09 donc sur Arc-en-Ciel. On enchaîne avec on revient sur les championnats de France puisque ce week-end ça repart pour tout le monde. On regarde les directs juste, ça n'a pas bougé hein, de toute façon. On se reste informé. Puis tennis toujours 2-1 dans la deuxième manche. Pour Arthur Fils qui a remporté la première manche, on le rappelle. Un petit mot de national, parce qu'il y avait quand même du national pendant la trêve internationale. L'USO qui a peut-être dit au revoir à une remontée ou en tout cas un possible barrage après un nouveau match nul face à Bourg-en-Bresse 0-0. C'était vendredi soir avec et pas mal de blessés, c'est vrai, côté Orléanais, ces dernières semaines. Donc c'était compliqué d'avoir aligné une équipe compétitive. Et donc ce match nul, avec désormais 6 points de retard hein, sur Boulogne, qui s'est imposé 2-1 face à Nîmes, donc est troisième. Le Mans, égalité avec 44 points également. Donc c'est également imposé 1-0. Et puis Nancy, voilà, qui de son côté, Nancy, eh bien, ne jouait pas, puisque on avait cet exempt, et donc reste premier avec un point d'avance. Donc ça va être très serré entre ces trois-là, hein, Nancy, Le Mans et Boulogne. Un point les sépare, et puis Orléans loin maintenant avec 6 points de retard. Et un match en plus sur ces trois-là, donc ça semble compliqué maintenant pour aller chercher les deux premières, même le barrage de la troisième place. Donc c'est un match qu'il fallait gagner en tout cas. Mais bon, il reste quand même quelques rencontres pour encore y croire pour Orléans, qui va recevoir Quevilly-Rouen vendredi à 19h30 face à une équipe qui joue le maintien. Donc là aussi, ce sera pas simple pour essayer d'aller récupérer 3 points importants sur cette journée. Tiens, un petit fait de jeu aussi qui s'est passé en national ce week-end lors de Dijon-Valenciennes. C'était vendredi soir où Dijon a gagné 2-1. C'est la blessure de l'arbitre central de cette rencontre. Et vous savez qu'en national, il n'y a pas de quatrième arbitre. Donc le speaker du stade était obligé d'appeler un spectateur qui est venu prendre la touche à la place de l'assistant qui a pris le sifflet au centre. Et c'est un spectateur qui était arbitre en National 2 et 3 notamment, qui a pris le drapeau. Donc scène assez cocasse en National. Et un spectateur pas neutre du coup quand même. Qui était plus Dijonais en tout cas, qui lui arbitre en Régional 1 et à la touche en National 2 et 3 à quelques kilomètres de Dijon. Donc effectivement, ça a pas trop plu au coach de Valenciennes qui a été battu. Alors, pas forcément à cause de l'arbitrage, mais c'est vrai que ça a pas trop plu au coach, qui était un petit peu en colère après, non pas après les arbitres, mais après après l'institution de ne pas prévoir un quatrième arbitre sur des rencontres comme ça. C'est vrai qu'un national, ça fait un peu tâche. Oui, à ce niveau-là, effectivement, c'est bon, je suis passé à côté de l'info. De cette petite info, ouais, c'est. J'allais quand même dire au début, c'est le speaker du coup qui a chaussé les crampons. Mais ça fait 2-0 pour l'Angleterre, but d'Harry Kane. Ah ben voilà. 8e minute de jeu. Le break est fait. Ça fait 2-0 sur une, comme on dit justement, parler de jeux vidéo, sur une PES, on va dire. Une passe, ouais. Le gardien est battu, le but est quasiment vide et Kane n'a plus qu'à pousser le ballon. Ça fait 2-0 donc pour les Anglais, 68e minute de jeu. Oui, c'est assez inhabituel. Alors c'est vrai qu'en plus s'il n'y a pas de volontaire, je sais pas comment ça se passe, parce que là il y avait des arbitres dans le stade. Après je crois qu'on peut prendre n'importe qui, mais il faut qu'il y ait une licence en tout cas. Mais ouais. D'arbitre, je sais pas. En tout cas, un dirigeant peut-être ça aurait pu passer également. Bon, en tout cas c'est vrai qu'à ce niveau-là, en district 3e division. Ouais. Fait, parce que mine de rien, Dijon-Valenciennes ils sont 5 et 6e. Et c'est vrai que du coup, Dijon revient à un point de Valenciennes avec cette victoire et ils sont juste derrière Orléans, donc c'est pas un match sans enjeu quoi. Même si la montée et le podium est assez loin, ça peut encore se jouer. Donc il y avait un enjeu. Donc c'est vrai que pour une nationale qui se veut bientôt professionnelle, c'est un petit peu tâche. Bon, en tout cas voilà, on connaît le problème de l'arbitrage et du manque d'effectifs. On l'a clairement vu sur cette rencontre. Passons à la Ligue 1, donc retour des matchs ce week-end avec la 27e journée. Tiens, juste avant la décision de Montpellier-Saint-Etienne, vous savez, le match qui a été arrêté après des incidents en tribune. Donc la décision de la commission se sera rendue le 2 avril, la semaine prochaine. Donc le mercredi 2 avril, on saura ce qui se passera sur cette rencontre. Donc elle est en instruction et donc la commission remettra son rapport le 2 avril. Donc on saura du coup la décision pour cette rencontre, si elle sera rejouée, s'il y a un tapis vert, s'il y a une défaite. Voilà, donc on en saura plus à partir du 2 avril. La 27e journée, donc ça démarre vendredi. Donc avec Strasbourg-Lyon. Voilà, pour démarrer, Strasbourg qui est 7e à l'heure actuelle, donc on le sait, hein, qui a l'ambition de voir plus haut, qui est plus très loin, qui est vraiment pas loin finalement de la coupe des coupes d'Europe, qui en fait on va dire qu'il y a ce top 7 Et il y a les autres, parce qu'après, c'est un petit peu plus loin pour Lens, qui a 4 points derrière. Là, c'est l'équipe de Strasbourg, qui joue Lyon, qui a 2 points d'avance. Et Lyon qui fait une grosse remontée aussi. Mais match intéressant, du coup, à suivre. Ah bah oui, match très intéressant avec deux équipes qui jouent l'Europe, leur place en Coupe d'Europe pour la saison prochaine, parce que voilà, Strasbourg à force avec leur bon résultat récent, et puis avec cette 7e place, tu l'as dit, qui leur appartient bien, puisque effectivement il y a un petit gouffre après, entre guillemets, il y a 4 points d'écart avec Lens qui est 8e. Et Strasbourg, voilà, avec une victoire en plus, peut s'adjuger la 5e place justement qui appartient à l'OL en ce moment même. Donc en plus ce sera Strasbourg à Meno. On sait qu'il y aura une grosse ambiance là-bas, surtout pour ce type de match avec un classement aussi proche et autant d'enjeux. Il n'y a quasiment pas d'absents prévus, en tout cas de marques côté Lyon comme côté Strasbourg. Donc on s'attend vraiment à un match de haut niveau, de très bonne qualité entre ces deux équipes qui sont vraiment en forme. C'est vrai que j'ai hâte de voir ce match qui aurait pu me plaire aussi en gros match du dimanche soir. Ouais, c'est vrai que ça aurait été beau aussi, mais en tout cas on va commencer fort cette nouvelle journée, ce week-end, avec Strasbourg-Lyon. Et ouais, compliqué là, je sais pas si on fait directement comme ça les pronos, mais ou si on les fait après, mais c'est compliqué de là d'essayer de pronostiquer ce type de match, quoi. Justement, c'est le moment de pronostiquer. Eh ben faisons ça. Ce Strasbourg-Lyon, c'est vrai que c'est pas évident. Strasbourg reste sur 3 victoires, et Lyon également. Et puis c'est vrai que, comme tu l'as dit, à la Meno, c'est pas simple. Franchement, j'ai envie presque de mettre un match nul. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus de joueurs côté lyonnais, forcément, qui ont un peu joué durant cette trêve hivernale, n'importe quoi, cette trêve internationale. Oui, il y a Cherki qui a joué là aussi, là. Ouais. Je vais mettre un nul, moi, ça me semble pas. Enfin, après, ils ont joué hier. Il y aura quand même presque il y a quand même 5 jours de repos. Mais je sais pas. Ouais, je mets un nul, allez, mais franchement, je sais pas trop. Il peut tout se passer dans cette rencontre, je pense. Ouais, je vais tenter Strasbourg, moi, tu vois. Allez, pourquoi pas. Après, oui, Lyon peut gagner aussi largement, ça c'est tout est possible, hein, mais. Il n'y a pas spécialement d'absent de côté, donc c'est vrai que ça promet, je pense, un bon match. Je pense qu'on sera pas déçu, en tout cas. C'est vendredi, donc 20h45. Ensuite, on a samedi, donc Reims-Marseille, c'est à 17h. Donc Reims 15e, plus que jamais concerné par le maintien, qui a 2 points de Deux Havre qui est barragiste, et puis 3 de Saint-Etienne qui est le premier relégable, face à, donc, à Marseille qui est moins bien depuis quelques semaines, qui reste sur une seule victoire sur les 4 derniers matchs, hein. Et il y a eu évidemment cette défaite face à Paris et face à Lens aussi juste avant, qui peut plus jouer le titre, hein, maintenant, mais qui doit gagner pour pas avoir revenir Monaco, Nice et puis même Lyon, hein, qui est pas très loin. Moi j'ai envie de mettre Marseille qui va se refaire quand même, qui a pas eu trop de, a priori, de départ de en sélection, je crois. Il y en a quelques-uns maintenant. Il n'y a pas tant de joueurs indisponibles côté Marseille. Il y aura Murillo, Amir Murillo, qui sera pas présent, qui est blessé, et puis également Ismaël Benacer, quand même, qui est relativement important au milieu de terrain depuis son arrivée cet hiver. Mais après, pour l'OM, il faut absolument quand même conforter cette deuxième place. Faut prendre les points. Là, c'est vrai que ça fait deux matchs sans victoire. Là, il faut absolument reprendre un petit peu d'avance, ou en tout cas, comme je l'ai dit, garder au chaud cette deuxième place. Et puis, évidemment, c'est anecdotique, mais il y a déjà 19 points d'écart avec le PSG. Si on peut pas dépasser la vingtaine de points d'écart, ce serait bien aussi. Non, mais voilà, puis face à cette équipe de Reims, même là-bas, à Auguste Delaune, cette équipe de Reims qui est vraiment dans le dur, qui n'a pas gagné depuis c'était combien de temps déjà? C'est novembre, depuis novembre. Ouais. Oui, c'est ça qu'on avait vu, c'est ça qu'on avait dit, hein. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. La dernière victoire de Reims, elle remonte à. Parce que même en Coupe de France, je sais pas si c'était tir au but ou ça. C'était en décembre, si, en Coupe de France. Mais face à un club amateur, mais sinon en championnat, t'as raison, c'est 10 novembre, victoire au Havre. Ouais. Face à une équipe du Havre aussi assez faible cette année. Donc voilà, ça va faire, pas envie de compter, mais ça va faire 5 mois, c'est ça? Ouais. Ça compte bien. Voilà, non, l'OM, ça doit évidemment de gagner. En tout cas, c'est vrai que ce serait, je sais pas si on peut parler de foot professionnel, mais voilà, faut vraiment aller gagner là-bas. Et ça fait surtout 3-0 pour l'Angleterre. Oh, 75e minute de jeu, but de Eze. Voilà, qui s'est fait un petit festival un petit peu tout seul, qui est entré dans la surface côté gauche, voilà, passement de jambes, il va dribbler un ou deux joueurs. Et tranquillement, au premier poteau, voilà, tromper le gardien de la Lettonie. Ça fait donc, ouais, 3-0 pour l'Angleterre, 75e. Pologne, toujours 2-0, 70e. C'est fini. Côte d'Ivoire s'est imposé 1-0, le Ghana s'est imposé 3-0, et en tennis, pas de break, toujours 3-2 dans le deuxième set pour, entre Tiafoe et Arthur Fils. Donc pour toi, bah Marseille du coup, j'imagine. Oui, je vais mettre l'OM. Ouais. T'as d'ailleurs Marseille qui est devenu aujourd'hui, le, je sais pas si tu le savais, le premier club pro à collaborer une équipe de la, vous savez, vous connaissez la Kings League France. Cette cette compétition donc de streamers, hein, qui, enfin de streamers et de célébrités aussi du foot, qui se déroulera à partir du 6 avril d'ailleurs, cette compétition à 7, et donc Marseille est devenu aujourd'hui le premier club pro à collaborer avec l'équipe d'Adil Rami, qui a été fondée par Adil Rami, qui sera la Wolfpack FC, voilà. Et donc cette compétition démarra le 6 avril et Marseille du coup va devenir partenaire de cette équipe de Daniel Rami, qui jouera bien sûr avec un maillot bleu et blanc, hein, assez en référence à son passage à Marseille. Et donc voilà. Il y aura, ouais, cette compétition, il y aura 6 journées, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Il y aura ouais. 6 journées. Ouais. 6 journées. Ouais. Donc que rappelle qui est l'initiative de Gérard Piquet, donc quoi, ouais, qui arrive en France, et donc on en saura plus dans quelques semaines, bien sûr, dans quelques jours même, puisque ça démarre le 6 avril, on en reparlera bien sûr. On a maintenant le match suivant, Saint-Étienne-Paris, avec d'ailleurs les supporters du PSG interdits de déplacement. Ouais, un trop gros risque. Ouais, c'est après. On a arrêté de la préfecture. Ouais. Donc pas de Parisiens. Bon, après Paris. Pas forcément besoin de ça pour gagner, avec le retour de leurs internationaux. Malgré tout, je vais quand même mettre Paris, hein, qui, on le sait, a l'objectif de finir invaincu. Donc, je ne les vois pas perdre contre cette équipe de Saint-Etienne, en plus qui depuis un petit moment ne gagne plus. Et c'est vrai, je joue le maintien, mais ça me semble trop compliqué pour Saint-Etienne. Oui, là, je pense que mais évidemment, la marche est trop haute, même si. Oui, le PSG peut jouer tranquillement, n'a plus besoin spécialement de se presser, non. Mais effectivement, ils vont quand même essayer de viser ce record d'invincibilité, enfin, en tout cas, de finir invaincu cette saison. Donc, je mets PSG aussi. Encore une fois, en plus, ce serait qu'anecdotique, mais il y a quasiment pas d'absent côté PSG non plus, à part Kanginli, là, qui s'est blessé avec la Corée du Sud durant cette trêve. Mais voilà, oui, bien sûr, je mets PSG. Ça, ce sera donc à 19h samedi, je l'ai pas dit, et puis Marseille sera à 17h. Et puis à 21h, un match aussi qui aurait pu être dimanche soir. Monaco-Nice, qui promet, hein, entre deux équipes à égalité, un 47, qui est en égalité parfaite en plus. Hein. Même différence de but, c'est vraiment un match important pour les deux, pour pas lâcher Marseille, hein, et c'est important de gagner. Alors Marseille, évidemment, il espère un nul sur cette rencontre, hein. Ça va être un beau match. Franchement, bon, moi je vais mettre Monaco évidemment, mais je suis très indécis quand même. Je suis très indécis. Monaco qui était pas bien depuis un petit peu, même si il y a eu cette victoire face à Angers avant la trêve qui a fait du bien, mais c'est compliqué. Nice aussi qui est pas en forme non plus. Hein, une défaite face à Lyon, un match nul face à Auxerre, hein, dans les dernières secondes avant la trêve. Je sais pas trop comment vont revenir les deux clubs après la trêve, quoi. J'ai un petit peu indécis. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, je vois un petit avantage monégasque quand même. Sachant que c'est deux équipes, voilà, qui ont le même nombre de joueurs internationaux de leur côté, à savoir 12. C'est vrai que Monaco a quand même une meilleure forme actuelle sur les derniers matchs quand même, forcément avant cette trêve aussi. C'est vrai que c'est compliqué quand même, hein, d'aller trouver. En pronostic, ah, je vais quand même être. Enfin, ça peut être match nul aussi, hein, en réalité. Non, je vais tenter Monaco. Une victoire de Monaco, personnellement. Je les sens bien. À Cliouche, je sens une victoire de Monaco. Allez, bon, on part là-dessus. On passe à dimanche. Toulouse-Brest à 15h. Toulouse, 10e. Voilà, t'as mis quoi, toi, Monaco-Nice ? Monaco, ouais. Ah, t'as mis Monaco ici, ouais. Donc Toulouse-Brest, bah, deux clubs un petit peu dans le même, même scénario. Hein. Toulouse 34 points, Brest 37. Deux clubs qui a priori jouent plus rien. Alors, pour Toulouse, c'est sûr. Hein. Maintenant, c'est bon, assez loin pour l'Europe. Il y a 10 points de retard. Pour le maintien, bah, c'est fait. Il y a 13 points d'avance. Donc c'est vraiment, bah, comme un peu chaque année, Toulouse, de toute façon, qui va plus jouer grand-chose. Pour Brest, avec 37 points, ça me semble quand même aussi compliqué. Avec Lens devant, avec Strasbourg. Donc pour moi, il ne joue plus rien. Donc c'est un match où je pense que ça va être assez équilibré. Je vais mettre un match nul, moi, sur ce match. Même si je ne suis pas sûr de moi, mais. Ouais, c'est deux équipes assez proches, c'est sûr. Y a plus, oui, comme tu dis, il n'y a plus beaucoup d'enjeux, si ce n'est plus d'enjeux pour ces deux équipes-là. Maintenant, je vais tenter la victoire de Toulouse. Parce qu'il y a pas mal d'absents côté brestois et des absents de marque. Je pense à Mama Baldé, à Chardonnay, à Sima aussi, à Ibrahim Salah. Je vais tenter la victoire de Toulouse. Allez, on voit ça, on en reparle. 17h15, 3 matchs, donc Angers-Rennes. Angers 14e, 27 points, n'est pas sauvé encore, mais ils possèdent quand même 6 points d'avance sur le barrage, mais c'est pas encore tout à fait acté. Et puis Rennes qui est un petit peu au-dessus, avec 29 points, qui est juste deux crans au-dessus, 2 points d'avance. Voilà, qui a priori, que 8 points d'avance, c'est quand même pratiquement à l'abri. Et c'est un peu pareil, là, je suis assez indécis. Rennes reste sur quoi ? 2 défaites quand même. Angers, 3 défaites. Ouais, c'est pas évident comme match encore. Tu vas te laisser donner ton pronostic d'abord, mais je sais pas trop comment être là. Ouais, c'est vrai que sur les formats actuels, comme tu disais, c'est deux équipes assez proches, puis au classement aussi. On l'avait dit, voilà, avec l'arrivée d'Abi Bey, il y a eu un petit élan positif quand même côté Rennais, mais tu l'as dit, il y a eu 2 défaites. Bon, Paris et Lens, c'est tout. Bon, voilà, contre Paris quand même, on va dire qu'elle compte pas celle-là. Ouais. Mais en même temps, Angers, c'est vrai que c'est une équipe pas simple non plus, mine de rien, mais si elle est pas en forme non plus, forcément, elle joue le maintien. Mais on l'a déjà dit ici, Angers, c'est assez chiant à jouer aussi. Ouais. Je vais tenter le match nul. Bah, j'ai pas vu nul jusque-là, je vais tenter le match nul. Ouais. Je vais te suivre aussi. C'est vrai que quand je sais pas trop quoi mettre, je mets nul, donc je vais mettre nul, mais. Ouais. C'est vrai qu'il peut un peu y avoir tout aussi sur ce match, on verra. Auxerre-Montpellier, Auxerre 11e. Voilà, pareil, qui joue a priori, qui ne va plus rien jouer hein, maintenant. Le maintien, il est quasiment. Il est fait avec le match de la semaine passée. Ça fait 11 points d'avance, donc c'est quasiment fait. Montpellier, bah, dernier 15 points. On se souvient du dernier match. Donc pour moi, il n'y aura pas de suspense et Auxerre devrait, je pense, gagner à la maison en plus. Enfin, c'est une équipe de Montpellier qui dira pratiquement au revoir à la Ligue 1 après cette défaite, je pense. Ouais, je pense aussi, hein, je vais te suivre sur une victoire d'Auxerre. En plus, ouais, voilà ce qui se passe à Montpellier, bah, déjà depuis le début de saison sportivement, et puis là, même un peu extra sportivement avec les supporters, etc. Ouais. Là, ça va être compliqué, Auxerre. En plus, on le sait, ça, quand ils veulent, ça joue vraiment bien. Il y a un Gaëtan Perrin qui est très en forme aussi devant, en plus. Donc, ouais, sans problème, je vais mettre Auxerre. Même si, attention, mais non. Ouais. Ça me semble logique quand même. Le Havre-Nantes, Le Havre 16e, 21 points, qui est barragiste, qui a besoin de points. Nantes 13e, 27 points, qui en a besoin aussi pour valider son maintien. Ça n'est pas assez compliqué aussi, cette rencontre. Moi, je vais tenter. Celui-là, ouais, il est pas simple, celui-là. Je vais tenter Le Havre, sans grande conviction, mais je tente Le Havre, pourquoi pas, qui avait gagné face à Lens, qui avait pris un point quand même contre Saint-Etienne. Bon, là, qui a perdu contre Lyon, assez logiquement. Nantes, c'est un petit peu l'inverse. Il y a eu quand même cette victoire face à Lille à la fin, un peu trompeuse. Mais je tente Le Havre à la maison, qui prend des points et qui essaie d'aller sortir de cette place de barragiste, ou en tout cas de s'éloigner de la zone rouge. Ouais, c'est pas évident, tout ouais. Ça, machin. Alors, celui-là, particulièrement, celui-là. C'est vrai que j'ai du mal. Est-ce que je dois montrer mes petits bras, enfin, match nul, C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout celui-ci. Ouais, je vais mettre match nul. Dans le doute, je vais mettre ça. T'as mis le Havre, toi? J'ai mis le Havre, ouais. Sans conviction non plus, mais. Et tu m'as dit, pardon, le Havre? Match nul. Et enfin, donc, Lille lance Derby du Nord. Lille, donc, bien sûr, sixième. Qui a perdu gros sur la dernière journée après cette défaite face à Nantes. Face à Lens, la 18e qui peut encore être dans le coup en cas de victoire, mais ça c'est un petit peu loin quand même. Moi, je vais mettre victoire de Lille 3-1. Je les vois bien gagner pour repartir de l'avant et puis avec la manière. Je pense. Ouais, je les vois quand même au-dessus forcément, même si au classement, c'est... C'est proche, enfin pas en termes de points spécialement, mais voilà, 6e contre 8e, et Lille a besoin de points effectivement pour essayer d'accrocher cette les Coupes d'Europe et surtout la Ligue des Champions bien sûr. Surtout que maintenant il n'a plus que le championnat à jouer. Et voilà, Lille a quand même un effectif supérieur, il n'y a pas réellement d'absent en plus, mis à part Zegrova qui devrait toujours ne pas être là. Et Thiago Santos également. Ouais non, je vais mettre Lille bien sûr et. Je vais mettre 2-0. Je vois pas Lens marquer à Clermont-Roi. Je vais mettre 2-0. Allez. 2-0 pour Lille. C'est noté. Un petit point sur le bilan avant, juste après la trêve, enfin juste avant la trêve. On est à 19-16 en victoire. Pour toi? Ouais. Donc rien n'est joué. Rien n'est joué. Il reste encore quelques journées. Après les points, j'ai pas compté, mais en tout cas en victoire, ça fait ça. Donc tu peux en venir encore. Il reste quelques journées. C'est le sprint final quand même. On est sur le sprint final. Ouais. Là, il faut gagner. Il faut que tu gagnes celle-ci déjà. Ouais. Pour pas être distancé. On verra donc tout ça la semaine prochaine. 22h32. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Alors les directs, c'est fini pratiquement partout. Ah non, pas encore. Il reste bon pour l'Angleterre, ça va être plié. En Pologne, il reste un peu plus de temps, mais 2-0. Donc voilà, ça devrait bien se passer normalement. Et puis Arthur Fils qui pour l'instant toujours 4-3. Il n'y a pas de break encore. C'est indécis cette rencontre. Hein. Il y a eu le tie break en première manche. Il y aura peut-être un deuxième. Vous pouvez suivre cette fin de match. Et puis pour le foot aussi, il y a les fins de match un peu partout. Et puis pour l'agenda de cette semaine, on l'a dit, le retour de la Ligue 1 et puis de tous les championnats à l'étranger. Tiens, c'est bientôt aussi la Coupe de France. Je sais plus quand est-ce que c'est, mais ça va pas tarder. C'est la semaine prochaine. Ça me semble-t-il. On va regarder, mais je crois que ça va arriver vite. Si. T'as qu'à PSG mardi prochain. Et voilà. Donc, on en reparlera. Et puis, mercredi. C'est ça. Le National, on l'a dit, l'USO, il faudra gagner, sinon on pourra dire au revoir maintenant à la suite, même si c'est déjà compliqué. Pour cette 27e journée, des réceptions de Quevilly-Rouen vendredi 19h30 à la source, salle de la source, allez-y si vous pouvez. Et puis donc tous les championnats étrangers, on l'a dit, et la Ligue 1 et la Ligue 2 aussi. On aura donc en basket pour la Pro B Orléans qui va tenter d'enchaîner. Un nouveau succès, pourquoi pas. Ce sera samedi, déplacement à Fos-sur-Mer, à 20h. Face à un mal classé, donc la victoire impérative, hein, défaite interdite sur ce match. Et puis en handball, en Pro League, donc, pour Saran, qui va aussi essayer d'enchaîner un deuxième succès. Avec déplacement à Valence, ce sera vendredi à 20h30. Voilà, pour essayer d'enchaîner un nouveau succès et rester vraiment accroché à ce podium le plus longtemps possible. Voilà pour le hand. Pour le tennis, la fin du tournoi de Miami, donc cette semaine, on rappelle les huitièmes de finale cette nuit avec Gaël Monfils notamment, peut-être Arthur Fils qualifié aussi pour la quart de finale pour les huitièmes s'il s'impose ce soir là en direct. Et puis Novak Djokovic toujours aussi engagé, toujours en huitième pour l'instant, encore dans le tableau. Et puis chez les femmes, même chose, hein, les quarts à partir de cette nuit. On aura du rugby, donc journée de top 14, on enchaîne nouvelle journée ce week-end, on l'a dit, samedi et dimanche. Voilà. Et puis en Formule 1, on n'en a pas parlé, mais victoire hier dans le Grand Prix de Chine d'Oscar Piastri qui s'est imposé pour ce deuxième manche de la saison, et c'est Lando Norris qui pour l'instant fait la course en tête. Derrière, on retrouve Verstappen. Donc il y avait ce Grand Prix, puis le prochain Grand Prix ce sera le Japon dans 15 jours. Et en moto, GP Grand Prix des Amériques dimanche. Voilà, où pour l'instant, Marc Marquez a remporté les deux premières manches de la saison et qui est en tête du classement pilote. Voilà pour le programme de la semaine. Autre chose, peut-être, que j'ai oublié? Non, je regarde un petit peu les affiches à l'étranger, dans le foot européen ce week-end, ouais, à l'étranger. On avait un peu parlé... ouais, vite fait la semaine dernière. Là, je revois en Italie, notamment dimanche, Fiorentina, Atalanta, Bergame, Naples, AC Milan quand même. Ouais. Voilà ce qu'on peut noter comme grosse affiche. Oui, en Angleterre, il n'y a pas de choc. Dans la quart de finale de la Cup, hein, ce week-end. Ah oui, c'est ça, ce week-end. Avec City qui reste, entre guillemets, favori, même s'il y a Aston Villa aussi, hein, qui est encore là. Mais voilà, notamment la Cup ce week-end. Sinon, c'est championnat partout, mais il y a la Cup aussi, ouais, ce week-end. C'est vrai, la quart de finale de la Cup. Ok, voilà, très bien. Bon, on suivra tout ça. Et pour le, je crois que les autres coupes, ce sera aussi la semaine prochaine. Hein. En même temps que ouais, justement mardi, donc le PSG demi-finale, et puis pas même mercredi en France, et puis également demi-finale de Coupe du Roi, Real Madrid, Real Sociedad, demi-finale de Coupe d'Allemagne avec Leverkusen notamment, demi-finale de Coupe d'Italie avec Bologne notamment, enfin voilà, il y aura un petit peu les demi-finales de Coupe un peu partout, ouais, ouais. Prochaine. Et ben là, on fera le point lundi de tout ça, et puis tu l'as dit, les quarts, donc pas de championnat du coup en Angleterre, puisque tu l'as dit, les quarts de la Coupe d'Angleterre, la Cup. Très bien, on va se quitter. Avec un dernier son, et puis on va vous retrouver donc lundi prochain, 20h30, c'est bientôt les vacances, donc on en reparlera, mais normalement on sera là bien sûr de toute façon, hormis le lundi de Pâques, normalement il n'y aura pas d'émission le lundi 21, c'est pas tout de suite, hein, mais on anticipe un petit peu, je crois qu'il n'y aura pas d'émission à reconfirmer, sinon bien sûr lundi 20h30, toujours là. Hugo, merci pour ce soir. Merci à toi, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et puis bonne semaine à tous. Hein. Ouais, bonne semaine. On se retrouve lundi. À très bientôt. Ciao, ciao. na quinta-feira. Exatamente, fresquíssimo. Fresquíssimo, vai ser feito o lançamento esta quinta-feira, o lançamento oficial. E também estará disponível nos países da lusofonia. No Brasil vai ser editado pela Biblioteca Azul, à chancela do Globo Livros. Ainda não